bien vouloir prendre place. Et je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Olivier Tarabella. Présent. Elham Chahir a donné pouvoir à Émilie Trigo. Édouard de Noël. Présent. Émilie Trigo. Présent. Vassin Doucissé a donné pouvoir à Mariam Diop. John J. Piro a donné pouvoir à Jean-Claude Oliva. Cédric Pape. Présent. Yasmina Sadoud. Choki Haddad. Présent. Edith Félix. Présent. Brahim Akour m'a donné pouvoir. Merlan Georges. Présent. Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, a donné pouvoir à Cédric Pape, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille, Yalana Dino, a donné pouvoir à Merlan Georges, Abdelkrim Karmaoui, a donné pouvoir à Grégoire de la Gannerie, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, a donné pouvoir à Édouard de Noël, Mariam Diop, Kaline Tribi qui a donné pouvoir à Daouda Keïta, Amit Chahir a donné pouvoir à Issa Nounissi, Mamadou Sila, Manon Chrétien, Issa Nounissi, Zora Kili a donné pouvoir à Brigitte de la Perelle, Mohamed Jenan a donné pouvoir à Laurent Jamais, Sébastien Stalens a donné pouvoir à Claire Laurence, Pierre Vionnet a donné pouvoir à Angéline Desbordes-Sidi, Laurent Jamais, Angéline Desbordes-Sidi, Raquel Garrido, Claire Laurence, Solène Le Bourris. Donc, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Issa Nounissi, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Donc, nous allons installer un nouveau, en l'occurrence une nouvelle conseillère municipale en la personne de Mona Bellil. Avant de débattre sur le budget de la commune pour 2021, je souhaite en quelques mots revenir sur les raisons de l'installation de Mona Bellil en tant que nouvelle conseillère municipale. Cela fait suite à la démission effective depuis le mercredi 7 avril de Karamoko Sissoko de son mandat de conseiller municipal. Cette démission qui fait suite à la révélation de faits graves par la presse vendredi 2 avril et sur lesquels il appartiendra à la justice de se prononcer sur le fond, marque la fin d'une relation de collaboration de longue date. Nous sommes plusieurs dans cette enceinte à partager un certain nombre de sentiments mêlés sur cette histoire, à la fois grave, bien entendu, et pour ceux qui l'ont connue, triste, mais grave. Cela dit, je veux assurer une nouvelle fois aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais la totale détermination de la majorité municipale à renforcer la transparence de la vie publique locale et restaurer le lien de confiance entre les citoyens et les élus. Cet engagement fort que nous portons avec la majorité municipale s'est traduit concrètement par la mise en place en janvier dernier d'un groupe de travail sur la transparence de la vie publique locale, demandé également par l'opposition municipale. Composé d'élus de la majorité et de l'opposition, ce groupe de travail a pour mission d'installer un déontologue afin de mieux prévenir tout risque d'éventuels conflits d'intérêts, à travailler à une charte de déontologie pour plus de transparence dans la vie publique. Ce groupe de travail qui s'est réuni à nouveau jeudi 8 avril s'est doté d'une feuille de route ambitieuse que nous espérons vous présenter pour le conseil municipal du 24 juin prochain. Nous accueillerons donc ce soir Mona Bellil, à qui je souhaite la bienvenue. Est-ce qu'il y a des interventions ? Madame Desbordes-Sidi. Bien, j'aimerais prendre la parole au nom du groupe et pour revenir sur ces affaires que vous venez d'évoquer très rapidement. Nous pensons que nous vivons un moment politique d'une gravité absolument inédite. En moins d'un mois, la presse a dévoilé trois affaires judiciaires qui impliquent la ville de Bagnolet. Alors la première affaire, c'était, vous ne l'avez pas évoqué, mais je pense que c'est notre devoir à nous, d'élus, d'évoquer l'ensemble des affaires. C'était le 11 mars dernier, le Parisien révélait qu'un agent communal avait été interpellé et placé en garde à vue pour avoir sous-loué un équipement public, un gymnase fermé au public dans le cadre du contexte de confinement sanitaire. Ça, c'était le 11 mars. Deux jours plus tard, le 13 mars, de nouveau Le Parisien révèle que 20 000 euros de chèques lire, de chèques cadeaux, qui étaient destinés aux enfants de familles les plus modestes de la ville, avaient été dérobés à la mairie, deux jours plus tard. Et ensuite, vous l'avez évoqué, c'était le 2 avril dernier, donc moins de trois semaines après la révélation de la première affaire, nous apprenons qu'un conseiller municipal de votre majorité, un proche, vous l'avez évoqué, était placé en garde à vue et inculpé de corruption passive et de trafic d'influence dans une affaire d'attribution de logements sociaux pour lequel il aurait perçu 4 000 euros de pot de vin. Bon. Donc trois affaires de corruption caractérisées et trois nouveaux scandales. Alors évidemment, il y a eu des précédents. Il y a eu des précédents, puisque vous vous souvenez bien qu'en 2020, déjà, la brigade de répression de la délinquance économique s'était penchée sur une affaire d'emploi fictif à la mairie. Ensuite, lors du premier conseil municipal d'installation en juillet, Claire Laurence, vous avez alerté sur un certain nombre de dysfonctionnements qui avaient eu lieu pendant la campagne et lors du second tour de scrutin. C'est aussi la raison pour laquelle, pendant la campagne municipale, nous avions tous mis au cœur de nos programmes la lutte contre la corruption. Toutes les listes. Nous avions, nous, Groupe Ensemble pour Bagnolet, à l'initiative de Raquel Garrido, rédigé une charte éthique qui indiquait la possibilité de révoquer les élus en cours de mandat. Nous avions, avec Claire Laurence, sur la liste de Claire Laurence, demandé la mise en place d'une instance garantissant la transparence de la vie publique locale, la lutte contre la corruption, instance qui n'avait pas été mise en place lors de la première mandature et pour laquelle vous aviez écopé d'un carton rouge de l'association Anticor en 2019. Et enfin, Édouard Desnouel, vous qui êtes aujourd'hui troisième adjoint, vous aviez mis également au cœur de la campagne la question de la corruption, dont vous aviez même rédigé, écrit de mémoire, que c'était un sujet central à Bagnolet, et vous indiquiez que l'équipe municipale aux responsabilités devrait se confronter à la population et donner des gages de lutte contre la corruption. Alors aujourd'hui, moins d'un an après l'élection de ce conseil, on en est où ? Jamais la situation n'a été aussi grave, jamais. Trois affaires en trois semaines. Et je défie quiconque de trouver une commune de même strate ou plus grande, peu importe, qui connaisse les mêmes dysfonctionnements. Pas une. Peut-être Levallois-Perret fut un temps, mais j'ose espérer qu'on n'a pas comme ambition de devenir le Levallois-Perret de l'Est parisien. Aucune. Alors aujourd'hui, effectivement, on n'a pas envie de passer ces trois affaires sous silence. On considère qu'il y a un précédent et qu'il faut aujourd'hui, 14 avril, choisir, faire des choix. Alors, on a deux options. La première option, c'est celle que vous semblez choisir, c'est de passer les affaires sous silence, de minimiser, de banaliser. Lorsque les affaires ont éclaté dans la presse, vous avez été, j'ai eu l'occasion de le dire lors de la dernière réunion du groupe de transparence de la vie publique locale, vous avez été extrêmement discret, beaucoup trop discret. Beaucoup trop discret, puisque nous avons été interpellés par les concitoyens qui disaient « Mais pourquoi ?» Pourquoi le silence de la majorité ? Jusqu'au fameux communiqué que vous avez publié sur le site de la ville à la suite de la démission de M. Sissoko. Donc, ce qui veut dire que tout le mois de mars, vous n'avez pas communiqué. La deuxième option, le deuxième élément, c'est que vous minimisez, vous banalisez. Lors de la réunion qui a eu lieu lors du groupe de travail, vous avez inversé la charge de la responsabilité. C'est-à-dire que certains d'entre vous ont indiqué que finalement, les faits de corruption, il n'y en avait pas qu'à Bagnolet, il y en avait ailleurs en Seine-Saint-Denis. Ces mots ont été prononcés. Je ne sais plus par qui, mais ces mots ont été prononcés. Donc c'est une forme de banalisation. Et le deuxième élément, c'est que vous avez dit, certains et certains d'entre vous avaient dit, mais attention, ces trois affaires ne sont pas liées. Ces trois affaires ne sont pas liées. Bien sûr qu'elles sont liées. Elles sont liées, elles forment un système. Parce que si ces affaires, aujourd'hui, existent, ces affaires de corruption, c'est bien parce qu'en face, vous n'avez pas mis en place un dispositif de contrôle efficace. Vous avez fait preuve d'atermoiement, de laxisme, et vous avez finalement été assez conciliant avec un climat d'impunité qui autorise à enfreindre la loi ou à se dégager du cadre réglementaire. Alors il y a une deuxième option, qui est celle qu'on va vous proposer. La deuxième option, c'est de se dire que finalement, à Bagnolet, les passe-droits, les dessous de table, les pots de vin, ils sapent les fondements de l'autorité de l'État. Et que, et également, ils jettent le discrédit sur l'administration territoriale, sur les élus et sur l'ensemble de la population, et qu'on se dit aujourd'hui, ça ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir prendre une décision pour que cela cesse. Et puis aussi, on peut considérer que finalement, vous avez échoué à mettre en place une culture de l'intégrité de la probité, comme vous vous y étiez engagé pendant la campagne municipale. Et enfin, nous considérons que la recrudescence de ces pratiques délictueuses, vous, monsieur le maire, en exercez, exercez la responsabilité personnelle et que là-dessus, vous n'avez pas réussi à éradiquer ces dysfonctionnements et que là-dessus, vous exercez vous-même une responsabilité que vous avez failli. Par conséquent, nous demandons ce soir à monsieur Tony Di Martino de prendre ses responsabilités et de présenter sa démission au conseil municipal. Dans le cas où cette demande serait refusée, nous sommes prêts à prendre, nous, nos responsabilités et à présenter notre démission qui permettait, si d'autres se joignaient à nous, de créer une vacance et de reconvoquer les électeurs et de repartir sur des bases saines. Alors, nous appelons donc aujourd'hui solennellement les présidents des groupes politiques de la majorité, Olivier Tarabella, Édouard Denel et Jean-Claude Iliva, à se joindre à cette démarche. Pour terminer, pouvons-nous plus longtemps tolérer que des intérêts privés se substituent à l'intérêt général à Bagnolet ? Pouvons-nous tolérer plus longtemps que soit faussé l'accès équitable de tous aux services publics ? Et pouvons-nous tolérer que soient foulés aux pieds les principes d'égalité et de transparence ? C'est la démocratie tout entière qui paie le prix fort de ces passe-droits. Nous devons contribuer dès ce soir à refonder l'éthique de la vie politique de notre ville. Donc, vous parlez de responsabilité. Effectivement, en tant que maire, j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité pour faire en sorte que ces choses-là, ces faits-là, qui sont graves, qui ne sont pas liés entre eux, mais qui sont graves, ne se reproduisent pas. Donc, effectivement, des procédures disciplinaires, des procédures judiciaires ont été engagées par la ville sur les trois sujets. On a eu l'occasion d'en parler au groupe de travail sur la transparence. Bon, je ne sais pas qui a minimisé au cours de cette réunion les faits. Je n'ai pas eu le sentiment que ni les uns ni les autres n'avons minimisé les faits. Au contraire, on a pleinement conscience que ce type de choses nuit, ce type de faits nuisent à l'image de notre commune, à l'image de sa population, à l'image de notre conseil municipal. Vous voyez, donc personne ne minimise ce qui s'est passé. Et on prend toutes nos responsabilités, et je prends toutes mes responsabilités, pour effectivement qu'il y ait à un moment donné une organisation qui soit plus efficace au sein de l'administration. Vous parlez de sous de table pour des logements. Moi, je ne sais pas. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours. On verra bien. Moi, ce que je sais, c'est que depuis 2014, on a mis en place une commission pour sélectionner les offres de logement. Elle est comme elle est. Elle mérite d'être améliorée. Mais je me permets juste de vous signaler au niveau du territoire d'Est-Ensemble, on est la seule ville à avoir ce type de commission, la seule. Et qu'en Seine-Saint-Denis, on est une des rares villes à avoir une commission, à avoir un système de cotation qu'il nous faut encore améliorer et qu'on va continuer à améliorer. Et on sera amené à faire des propositions avant l'été, à la fois en bureau municipal et en conseil municipal. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Il n'y a pas d'impunité et on mesure pleinement la gravité des choses. Est-ce que les présidents de groupe... Non ? Peut-être pour répondre, puisque j'ai été interpellé directement, effectivement, on ne naît pas corrupteur. Donc la corruption, c'est un système qui effectivement existe partout, et c'est les mailles qu'il faut resserrer pour éviter de tomber dans la corruption. Faites attention quand vous évoquez... des affaires, et je mets des guillemets, à employer le conditionnel, à employer le présumé, parce que vous avez cité au moins deux affaires où vous avez employé des mots définitifs pour parler de présomption. Je vous le dis juste quand même, parce que c'est important, la présomption d'innocence existe. Je ne pense pas qu'il y ait une minimisation. Je veux dire, au dernier conseil municipal, il y a eu une prise de parole forte sur un cas. Il y a eu des communiqués forts sur d'autres cas. Et là, il s'agit d'un acte individuel dont on... Attendez, je me permets, je termine. Il s'agit d'un acte individuel à ce stade. Donc il y a une enquête. La seule chose que vous avez pu lire comme moi, comme n'importe qui est dans la presse, c'est que des logements n'ont pas été obtenus. Ça ne justifie pas que c'est bien, c'est qu'ils n'ont pas été obtenus. Donc il faut faire attention à la façon dont on se contrôle, on s'auto-contrôle, on met en place des systèmes de contrôle, mais restez y travailler avec nous. Vous avez fait des interventions constructives dans le groupe de travail, on y travaille ensemble. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu un groupe, un élu, un individu qui prenait l'ascendant par des propositions mirifiques par rapport à l'ensemble des autres élus. On va tous tirer dans le même sens dans cette commission, opposition, majorité. Donc restez, ne démissionnez pas et on va y bosser ensemble. Bon, on démarre l'ordre du jour. Pardon ? Solène. Ouais, ça me fait... je ne sais pas quoi penser quand je vous entends, en fait, monsieur De Noël, surtout quand vous dites l'opposition, la majorité, on travaille de manière constructive. Et puis, bah, comme l'a rappelé ma collègue Angéline, quand nous aussi, en tant qu'élus, on est là aussi pour rappeler un petit peu soit les faits, puis des fois aussi un petit rappel. Et moi, je vous ai lu, j'ai lu votre communiqué à la suite, justement, qui impliquait justement un élu de la majorité, où, je vais vous citer, vous dites, alors c'est ça qui m'a vraiment, avoir porté au sein de la majorité, donc vous vous vantez, vous annoncez, avoir porté au sein de la majorité, en ce début de mandat, la refonte des critères de subvention aux associations. Alors, encore une fois, c'est encore un communiqué qui inscrit bien le manque d'unité dans cette majorité. Et ça aussi, ça fait partie du dysfonctionnement de cette majorité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, et en plus de ça, c'est totalement faux, parce que j'y étais, moi, à la première commission. Alors, on m'a accusé de faits complètement faux, et je vais le prouver par la suite, parce que... Mais on m'a accusé de faits complètement faux, sauf que cette commission, comme la commission d'attribution des associations, comme les attributions de logement, sont vraiment des commissions qui sont très importantes par les Bagnoletais. Et je peux vous dire que nous sommes tout le temps sollicités concernant ces deux commissions dont je fais partie. Donc, pour les associations, moi, j'y suis donc membre, et j'y étais déjà dans le mandat précédent. Les critères sont restés à l'identique. Ils sont restés à l'identique. Donc, je ne vois pas en quoi les choses ont changé. Il n'y a rien qui n'a changé. Au mandat précédent, parfois on avait des désaccords. Il y a des élus de la majorité qui étaient avec moi dans cette commission. On pouvait avoir des désaccords, on en parle au conseil municipal, mais il y avait toujours une forme de consensus. On en discutait, on en votait, et puis après c'était approuvé. Là, ce qui s'est passé en fait à la dernière commission, c'est pas le fait qu'on propose une somme ou quoi que ce soit qui me dérange. C'est comment ça s'est passé. On m'enregistre ou quoi? Ah, d'accord. Ouais, non, mais c'est hyper désagréable, je suis désolée. désolée. c'est de la manière comment ça s'est passé. C'est-à-dire que, je vais quand même le rappeler, je suis désolée, vous êtes en face de moi, hein, Madame Georges, mais comme vous étiez avec moi, je vous nomme, comme vous êtes présent au conseil municipal, mais nous étions 5 élus à être d'accord sur le fait que 15 000 euros pour une association, c'était trop. On était tous d'accord. Et oui, et à la fin, on nous dit, de toute façon, on est là à titre consultatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, pareil, comme tu disais tout à l'heure, c'est au cœur du débat de la démocratie participative. Et là, on me dit, là, alors, c'est super, vous dites, il y a 5 minutes, vous dites que les élus de l'opposition, c'est hyper important. Et là, vous dites aussi bien pour les élus de la majorité et l'élu de l'opposition dont je suis, que je suis là à titre consultatif. Et on s'en va Au revoir. Et les commissions, les associations, on en reparlera plus tard. Et moi, c'est ce qui m'a dérangée, parce que c'est peut-être la phrase aussi que j'ai dite, mais les associations, elles attendent en fait ces décisions-là. Le fait que ça parte comme ça, moi, j'ai été extrêmement choquée. Alors, en plus, bon, on m'a accusée, je ne vais pas en reparler, on m'a dit que j'étais menteuse, on m'a accusée de calomnie. Mais pourtant, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai lu le rapport, tout à l'heure, j'ai lu le rapport de situation comparée des femmes et des hommes à Bagnonnet en 2020, qui va être présenté tout à l'heure, en délibération numéro 3, et je cite, dans ce dossier, les demandes de subvention 2021 des demandeurs doivent détailler le bilan d'activité de la situation en 2020, spécifiant comme enjeu notamment la lutte contre les discriminations et la mixité de genre. Je ne fais que répondre aux critères. J'ai demandé deux questions sur le ratio, d'adhérents bagnoletais, non bagnoletais et la mixité. C'est-à-dire que là aussi, il y a quelque chose qui est assez bouleversant, c'est que quand il y a un lanceur d'alerte qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on soit élu ou pas élu, parce que les citoyens, en fait, ils sont comme nous, quand il y a quelque chose qui ne va pas, maintenant, c'est la mode, certains de cette majorité coupent le débat, ferment le débat et vont dans la calomnie. C'est bon, c'est terminé, au revoir. Donc ça, non, je ne suis pas d'accord. Donc, ce qui s'est passé à la dernière commission, j'espère que vous en avez pris une leçon et que ça n'arrivera plus. Parce que ça fait partie des dysfonctionnements qu'on dénonce, qu'a dénoncé notamment aussi ma collègue tout à l'heure. Donc, pour résumer, des commissions, certes, il y en a, c'est vrai. Mais visiblement, ça n'empêche ni la corruption, ni le favoritisme. D'autres interventions ? Le moment est grave et moi je prie, je demande aux bagnoletaises et aux bagnoletais qui nous regardent ce soir de bien vouloir nous pardonner le fait qu'on ne passe pas aux affaires courantes comme ça de façon automatique. C'est un conseil municipal important, celui sur le budget, c'est un sur lequel on a beaucoup de choses à dire par ailleurs et on aura l'occasion de les dire. Mais effectivement, comme ça a été dit par mes collègues, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Cette espèce de façon de faire qui consiste à ce que les choses glissent et qu'on ne réponde à rien et qu'on dise « Ah, mais en fait, on fait des bons efforts, regardez, la commission logement a été mise en place en 2014, et c'est ce que vous venez de nous dire, monsieur le maire. » Et donc, c'est bien la preuve que du coup, ça ne va pas, puisque précisément, vous avez une commission logement depuis 2014 qui a le fonctionnement que vous venez d'énoncer, et c'est précisément sur la question du logement que deux habitantes ont cru bon, qu'ont cru utile de donner 2000 euros chacune à un de vos proches pour obtenir un logement. Et vous savez, les gens, je connais personne, moi, qui donne 2000 euros comme ça. Si les gens donnent de l'argent, c'est une grosse somme. C'est une grosse somme. C'est parce qu'elles ont cru que c'était efficace. Elles ont cru qu'elles retrouveraient, en bout de course, à la fin de ce pot de vin, un résultat. Elles ont cru que la façon de voir appliquer et mettre en œuvre le service public, qui est un droit pour tous, et notamment la question du logement. Je ne sais pas combien de milliers il y a de demandes de logement en souffrance dans cette ville, mais il y en a un paquet. Mais ces personnes ont cru que la façon de pouvoir avoir leur cas étudié, c'était en donnant des sommes considérables à l'un de vos proches. Et donc, aujourd'hui, vous faites celui qui ne veut rien commenter, celui qui dit « Ah ben non, la justice s'en occupe, donc je ne dis rien », voire vous semblez nier la chose. Alors, dans ce cas-là, on se demande bien pourquoi vous lui avez demandé de démissionner, puisque si, en fait, il n'a rien fait, il devrait être là ce soir. Il faut être un peu cohérent. C'est-à-dire que soit vous pensez qu'il y a une présomption d'innocence, et à ce moment-là, M. Sissoko devrait être là ce soir, et d'ailleurs, pourquoi pas, pour donner des éléments d'explication. Mais vous lui avez demandé de démissionner, c'est comme ça que vous l'avez communiqué à la population, c'est comme ça que vous nous l'avez communiqué au début de ce conseil municipal. Donc c'est quelque chose d'absolument grave, dans lequel nous, on ne peut pas faire semblant que voilà, ça va être géré par ailleurs. Ça ne sera pas géré par ailleurs. Vous avez failli, Vous avez failli. Voilà. Sur la commission d'attribution des subventions que vient de décrire Solène Le Bouris, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez, il y a quelques conseils municipaux en arrière, dit que vous aviez des nouveaux critères, et ainsi de suite. Madame Saadoud a dit, ça va être tout beau, tout formidable, on va tout changer. Dans un contexte de restrictions budgétaires, nous sommes la ville la plus endettée de France, donc évidemment, il y a un stress sur les deniers publics. Dans un contexte où aucune association, où la règle, en gros, c'est qu'aucune association ne voit sa subvention augmenter, effectivement, lors de la commission d'attribution des subventions du 13 mars, sa présidente, Madame Saadoud, a proposé une multiplication par 15, de la subvention à l'attention de une association dont, par ailleurs, elle et les membres du BEC sont extrêmement proches. Donc ça, vous dites, oh, on met en place des mécanismes pour éviter les conflits d'intérêts. Ben oui, on est en plein dedans, c'est-à-dire que vous avez des militants associatifs, politiques, qui ont plusieurs casquettes et qui sont à l'aube de la demande d'argent et à la fin de la demande d'argent et au niveau de la décision. Et effectivement, comme ça a été dit par Solène Le Bouris, il n'est pas acceptable que, se constatant qu'elle était minoritaire, que M. Chaouki Haddad et Yasmina Saadoud étaient minoritaires, puisque lors de cette réunion, ce n'est pas seulement Solène Le Bouris qui n'était pas d'accord avec la somme. Il y avait aussi, si j'ai bien compris, Jean-Claude Oliva qui n'était pas d'accord. Ou alors Marlène Georges qui n'était pas d'accord. Il y en avait d'autres. En gros, majoritairement, en fait, la majorité de la commission n'était pas d'accord pour cette multiplication par 15 de l'association, parce qu'il la considérait non pertinente, non justifiée au regard des critères qui sont normalement appliqué aux associations sportives. Et pourtant, du coup, la réunion a été ajournée de façon unilatérale, de façon brutale. Bref, on pourrait aujourd'hui faire remonter un tas de choses. Et d'ailleurs, c'est bien que la parole se libère. Moi, je vais vous dire, c'est très bien. C'est un début. J'y vois comme un signal. Ces deux personnes n'ont pas eu leur appartement, ont donné 2000 euros et sont allées se plaindre. Eh bien, je vais vous dire, tant mieux. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dire « c'est comme ça, on n'y peut rien, ça a toujours été comme ça, et regardez le passé, et un tel, etc. » Et comme ça, on noie le poisson. Nous ne voulons pas noyer le poisson. Voilà. Nous ne voulons pas passer à autre chose comme si de rien n'était. Et nous vous le demandons, et c'est absolument sérieux. Nous pensons que l'heure est venue de retourner devant les électeurs. Les électeurs doivent être... c'est eux qui doivent décider la façon de partir en avant sur des bases saines. Oui, une élection s'impose. Une nouvelle élection s'impose. C'est les habitants de Bagnolet qui doivent décider comment on tourne la page. Vous avez eu un an pour améliorer les choses, vous ne l'avez pas fait. Et votre attitude ce soir est totalement en dessous de la main. Vous devriez être depuis un mois vraiment en train de crier fort, de montrer que ce qui a lieu est contraire aux intérêts des habitants, que toute conscience digne de gauche ne peut pas accepter qu'un service public, quel qu'il soit, et encore plus le logement, soit privatisé. C'est pas possible. Et privatisé par les multinationales, c'est mal, mais privatisé par des élus de la majorité, c'est quelque part, c'est pire. Voilà. Donc là, nous refusons de cette espèce de minimisation. Oui, c'est le bon terme qui a été utilisé, vous minimisez. Et on vous le dit, la chose démocratique, c'est que vous démissionniez. Et effectivement, comme l'a rappelé Angéline Desbordes, l'article L122-5, je dis de mémoire, du Code électoral, prévoit que lorsqu'il y a un tiers des sièges vacants dans un conseil municipal, l'élection est de droit, elle est automatique. Donc nous ne sommes pas suspendus au fait que vous, monsieur Di Martino, démissionniez en réalité. La responsabilité incombe à chacun d'entre nous ici, de repartir à zéro. Et ensuite on dira aux bagnoletaises et aux bagnolais ce que chacun d'entre nous ici, on compte faire vraiment pour que ça change. Il n'y a pas besoin que ce soit M. Di Martino qui démissionne s'il s'accroche et il ne veut pas démissionner. Chacun d'entre nous ici, on peut le faire. Et il ne suffit pas que tout le monde le fasse. Il suffit que, individuellement, certains d'entre vous acceptent avec nous, qui sommes cohérents sur ce point et qui offrons ce soir notre démission, vous nous accompagnez avec ça, on le fait ensemble, et ça peut faire un tiers de sièges vacants. Voilà. Sur ce, je demande une suspension de séance, monsieur le maire, parce que j'aimerais que on se concerte avec les présidents des autres groupes sur cette proposition que nous leur avons faite. Il nous semble que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, et donc on veut avoir la possibilité d'en débattre dans un moment de suspension de séance du Conseil municipal. Juste d'abord, je vais vous répondre, personne ne minimise rien, contrairement à ce que vous dites. je ne minimise rien, et je mesure pleinement ce qui se passe. Vous voyez, ça c'est pour l'appréciation. Ensuite, Madame Garrido, vos leçons de morale, à vous, Madame Garrido, gardez-les pour vous. Mais sachez que je mesure pleinement la gravité de la situation. Donc c'est de droit, il me semble, suspension de séance. Émilie. Avant la suspension de séance, je voudrais juste un tout petit mot en réponse, Madame Garrido. Alors, je n'avais pas du tout prévu de prendre la parole aujourd'hui, mais enfin, en tout cas pas sur ça. Vous verrez que je la prendrai plus tard. Mais en tout cas, là, je voulais juste deux tout petits mots d'éclaircissement parce que vous faites beaucoup d'amalgames, c'est normal. Vous essayez d'induire en erreur les bagnoltaises et les bagnoltais sur deux petites choses. La première, vous essayez de faire croire que si un tiers des sièges est vacant, le conseil municipal tombe. Ça, d'accord. Ce que vous oubliez de dire, c'est que derrière vous, il y a 30 candidats sur votre liste. Et il n'y a pas du tout. Moi, je n'ai pas l'engagement, là, devant moi, que les 30 derrière vous ont proposé leur démission. Donc, c'est un peu induire les bagnoltais en erreur que de faire croire que si, là, à la sortie de la réunion, il y en a un tiers qui a démissionné, ça y est, le conseil municipal est tombé. C'est pas vrai, il y a encore 39 personnes à solliciter. Tous ceux qui sont derrière, sur notre liste et sur la vôtre. Ça fait du monde. Je ne suis pas sûre que tous démissionnent. Mais dont acte, on verra. Je vous laisserai faire la suspension de séance avec les présidents de groupe, dont je ne suis pas. Plus sur le fond de ce que vous dites de l'affaire des logements. On en a déjà parlé, je l'ai aussi fait remarquer lors de la réunion de la semaine dernière à Madame Desbordes-Silly. On ne minimise pas pour certains d'entre nous, et vous le savez, on était même plutôt très proches. Je peux dire que moi, je n'ai pas de contact avec Karamoko depuis, d'ailleurs depuis longtemps avant, mais je n'en ai pas eu depuis la lecture de l'article du Parisien. Donc je n'ai aucune autre information que celle que j'ai vue dans le Parisien le 2 avril, puis dans le deuxième article de la semaine dernière. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis profondément peinée. Et je suis aussi peinée que du coup il ne continuera pas à mes côtés. Mais si ce qu'il a fait est avéré, alors évidemment qu'il fallait qu'il démissionne. Et je ne lui pardonnerai jamais, et que ça soit et politiquement et amicalement. Mais dont acte, on verra le 18 mai quand il sera jugé. Mais je voulais revenir sur deux toutes petites choses, parce que là aussi vous essayez d'induire les bagnoltaises et les bagnoltais qui nous regardent. Je doute qu'ils soient des dizaines de milliers, mais pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'il est important de remettre la vérité telle qu'elle est. On parle de deux habitantes qui ne sont pas de Bagnolet. On parle de deux habitantes qui n'ont peut-être pas demandé un logement à Bagnolet. Vous n'en savez rien, je n'en sais rien non plus, on le saura le 18 mai. Donc arrêtons de spéculer. Le seul constat est, ça n'a pas fonctionné. Et s'il y a une seule chose dont on peut se féliciter, c'est un grand mot, mais en tout cas se rassurer, c'est que ça n'est pas fonctionné. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye de corrompre un élu pour obtenir un logement, ça ne marche pas. Mais tant mieux, tant mieux. Et si les logements demandés n'étaient pas à Bagnolet, tant mieux. Et si les logements, pour les autres villes, j'entends, et si les logements demandés étaient à Bagnolet, c'est la preuve que finalement les procédures mises en place depuis 2014 fonctionnent. Donc il faut arrêter de spéculer et d'essayer d'induire les uns et les autres en erreur. Et enfin, cette commission logement, cette fameuse commission logement, j'y siège depuis 2014, sur le premier mandat, avec Madame Le Bouris, comme Solène l'a redit tout à l'heure, et ça se passait plutôt correctement. En tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait des soucis sur la fin, mais où ni toi, Solène, ni moi sommes responsables. En revanche, ça se passait plutôt bien. C'est dommage, puisque vous dites que vous êtes souvent, souvent consultés et interpellés par les habitants au sujet de cette commission. C'est dommage qu'on ne vous y ait jamais vu depuis le début du mandat. Vous auriez pu témoigner avec les habitants de comment ça se passait, bien ou mal. On aurait même pu discuter ensemble de comment faire pour que ça se passe mieux. La dernière, elle s'est réunie hier soir. Vous n'étiez pas présent. Voilà. Je peux l'expliquer. D'ailleurs, je suis désolée, Émilie, mais je l'avais expliqué quand on était au visio. Donc, tu aurais pu dire que je l'ai expliqué pourquoi. Et en plus, vous avez, enfin, il y a personne qui a dit que j'avais tort dans ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Moi, justement, j'habite moi-même dans un logement social, donc je sais ô combien c'est important le logement social à Bagnolet. Parce que voilà, mais il y a plein de choses qui ne me conviennent pas. Le système de cotation, il ne fonctionne pas. Je faisais toujours la remarque à chaque... Pourquoi il y a cette personne, pourquoi ça fait 7 fois qu'il passe en commission, comment se fait-il que ce dossier soit encore là? Il y a encore des dysfonctionnements. Et moi, tant qu'il y a ces dysfonctionnements-là et que j'ai l'impression, c'est comme les associations, j'ai l'impression mais de ne pas être écoutée. Mais ça fait 8 mois, Solène, que tu n'es pas oui, venue. Mais t'en sais mais rien ça si fait... on a eu ces discussions. Ça fait 8 mois que cette commission se réunit et que vous n'êtes pas venue. J'y suis allée entre-temps, j'y suis allée une fois. Mais sincèrement, moi, je suis pour qu'on avance. maintenant sur cette commission et qu'on le fasse ensemble. Ouais, mais alors, on n'a pas la certitude. Pour le faire ensemble, il faut être là. Bah ouais, mais dans ces cas-là, il ne faut pas être à la commission, il faut préparer la commission, il faut un système de cotation. C'est un travail sérieux, pareil pour les associations. Il ne suffit pas de dire on fait, et en fait, on ne fait rien. Je suis désolée, je ne minimise pas du tout, mais alors du tout, puis il y en a ici qui me connaissent, s'il y en a bien dans ce groupe-là, personne chez nous ne minimise la question du logement social. Personne. Donc c'est pareil, ne faites pas dire. Quant à notre liste, évidemment, par rapport à notre proposition, tout est réfléchi. Sinon, je te laisse le soin d'expliciter par rapport le fait que si on démissionne, évidemment, notre liste, c'est une liste unie. Il y a une unité, c'est-à-dire qu'on ne prend pas une décision comme ça. Merci de ne pas me couper la parole derrière. Donc voilà. Suspension de séance, alors ? Olivier. On a demandé une suspension. Oui, mais elle n'est pas de droit. Pardon ? Elle n'est pas de droit dans le règlement intérieur. Vous voulez nous accorder une suspension de séance ? Vous réagissiez sur pourquoi pas de suspension automatique. Je vous réponds juste qu'elle n'est pas de droit. Je n'ai pas dit que le maire ne vous l'accorderait pas. Ce n'est pas à moi de décider. Mais je l'ai demandé déjà, et ça fait trois interventions déjà. Je fais juste un rappel. Pour ma part, en tant que président de groupe, puisque j'ai été interpellé, je partage ce qui a été dit sur la nécessité quand même de garder une forme de conditionnalité lorsqu'on parle de procédure judiciaire. On n'est pas juge dans cette instance. J'aimerais rappeler aussi que, effectivement, il y a un certain nombre de faits qui sont graves, s'ils sont avérés. C'est à la justice de déterminer les faits. J'ai eu l'occasion de le dire encore l'autre jour en conférence des présidents. Et notre responsabilité d'élu, c'est de trouver des solutions pour que ces faits ne puissent pas prospérer. Et la proposition qui a été faite par le maire dans le cadre d'un groupe de travail qui avait été initialement demandé par Mme Desbordes-Silly, que nous avons élargi, c'est de renforcer encore plus les outils dont nous disposons aujourd'hui. Et notre décision en tant que municipalité, c'est d'œuvrer à renforcement de ces outils. C'est pas, et on comprend que dans la position qui est la vôtre, la demande d'une élection partielle s'entend évidemment assez aisément, puisque 6 ans, c'est long. Mais pour notre part, nous n'avons pas prévu de... oui, par certains aspects, je vous confirme que c'est court, par certains aspects, c'est court, on est d'accord. Mais pour ma part, je ne vois pas l'utilité d'une suspension de séance, parce que je n'ai pas prévu, et je pense que les membres de mon groupe non plus, de démissionner. Je pense qu'on a énormément de travail à faire pour cette ville, qu'il y a des échéances très proches d'ailleurs, qu'il s'agisse de la rénovation urbaine ou d'autres sujets sur lesquels il faut que Bagnolet soit présente et mobilisée pour obtenir des financements. Je rappelle quand même notre programme de rénovation urbaine, c'est 173 millions d'euros potentiellement, et que sa réalisation est conditionnée quand même à l'obtention de subventions, des subventions qui seront pour la plupart décidées avant l'été 2021. Et je peux être à peu près certain que dans un contexte où éventuellement la ville serait dépourvue d'un fonctionnement normal, nous serions dans une situation où la ville serait particulièrement impactée par cette situation. Mais je prends cet exemple-là, il y en a beaucoup d'autres. Vous estimez que les faits sont graves. Et s'ils sont avérés, ils sont graves, et vous avez raison. Mais il faut dissocier la nature des faits, leurs auteurs, et le fonctionnement de la municipalité. La municipalité, elle met en place des outils, elle met en place des commissions, elle met en place des process. Si ces process sont insuffisants parce que les faits qui auront été déterminés par la justice le démontrent, notre responsabilité sera de les réformer. C'est ce que nous ferons, et nous le ferons dans le cadre du groupe de travail qui a été mis en œuvre. Et nous espérons que nous pourrons le faire collectivement. Donc, pour ma part, je ne vois pas l'utilité de cet échange, puisqu'il n'est pas prévu que nous démissionnions. Je pense que mon collègue Édouard de Noël est sur le même état d'esprit, Jean-Claude Oliva également. Donc, on peut peut-être, vu la densité de l'ordre du jour, se passer de ce moment. J'aimerais rajouter un point. Vous avez la parole. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. 6 ans, c'est long. Oui, 6 ans, c'est long. Et c'est bien ça le problème. C'est bien ce que nous essayons depuis tout à l'heure de mettre en exergue. Vous n'avez pas été élu en 2020. Vous êtes aux responsabilités depuis 6 ans. Daouda, s'il te plaît. Vous êtes aux responsabilités depuis 6 ans. Et ces affaires, je suis désolée, ces enquêtes judiciaires, ces affaires de corruption n'éclatent pas. Peut-être que si vous aviez été élu, si vous étiez nouveau maire depuis moins d'un an, On vous aurait laissé du temps supplémentaire. Les Bagnoletais, vous auraient laissé du temps supplémentaire. 6 ans, c'est long, et ça fait 6 ans, plus de 6 ans, 6 ans et demi, que la solution n'est pas, non seulement la solution n'est pas, le problème n'est pas réglé, la corruption n'est pas éradiquée, mais la situation s'aggrave. C'est quand même dingue de pas. Je ne comprends pas que collectivement, vous sembliez aveuglé. Je suis convaincue intimement que vous c'est pas possible. Et alors, pour terminer sur la forme de banalisation et de minimisation, vous avez effectivement, je vous rejoins, je ne sais plus qui l'a dit, il y avait une belle unanimité entre vous quand on a échangé sur ces questions. Vous étiez tous collectivement persuadés, ou en tout cas c'était peut-être des éléments de langage, que finalement ces affaires n'ont rien à voir entre elles. Mais si, quand au bout de 6 ans de responsabilité, 6 ans de mandat et un bout du mandat suivant, de telles affaires éclatent, c'est bien qu'il y a un dysfonctionnement majeur. Un dysfonctionnement majeur. Effectivement, il y a un dysfonctionnement, il y a eu des dysfonctionnements majeurs, et s'il y a des fautes, elles seront sanctionnées. Et ça, on vous le dit de manière très ferme. Donc, je vous propose... Vous refusez la suspension de séance? Non, mais vous avez eu la réponse des présidents de groupe. Non, mais j'ai demandé une suspension de séance. Donc, j'ai demandé une suspension de séance. La suspension de séance n'est pas de droit. Bon, donc, alors... vous avez questionné les présidents de groupe, ils vous ont répondu. Okay, okay. Donc, je propose de passer au okay, premier point, alors, l'approbation. Alors, souffrez, s'il vous plaît, une toute dernière intervention qui sera très courte, très brève. Bon, la démocratie et le droit de l'opposition, qui étaient par ailleurs aussi au cœur de vos programmes de campagne, on voit que vous en êtes au point de même pas tolérer une suspension de séance demandée par l'opposition. On note. Je note avec vraiment tristesse et consternation les réponses qui sont faites. Au moins, M. Tarabella, vous vous assumez, vous dites non. M. Desnouels, M. Oliva, vous ne répondez même pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet suffisamment important pour que vous, en tant que président de groupe, vous justifiez politiquement le fait de ne pas vouloir retourner devant les électeurs. Nous pensons que vous devez encore réfléchir un petit peu. Nous pensons que si vous en parlez avec nos voisins, voisines, habitants de cette ville, peut-être qu'ils sauront vous faire entendre raison. Nous n'acceptons pas cette première porte fermée ce soir. Nous espérons que vous réfléchirez, que vous vous réunirez entre vous, que individuellement, chacune et chacun d'entre vous réfléchira à la portée de ses propres actes. Dans quelques semaines, il y a un nouveau conseil municipal. D'ici là, nous souhaitons que cette réflexion aille au bout. Évidemment, pas sur le terrain de jusqu'à présent, il n'y a eu rien, ou ce qui a eu rien n'est pas de notre faute, n'est pas un système, n'a rien à voir avec la mairie. Donc, on voudrait que vous passiez, que vous ayez quelque chose, une attitude qui soit autre que simplement faire une sorte d'esbrouf avec des commissions qui, par ailleurs, pour l'instant, les commissions ont donné les faits que nous venons tous de dénoncer. Par conséquent, et je le répète à contre-cœur, parce que nous avons beaucoup de choses à dire sur le budget, nous avons beaucoup de choses à dire sur la situation du Covid à Bagnolet, nous avons été même à l'initiation, nous avons lancé une pétition pour qu'enfin le gymnase Baquet ouvre comme centre de proximité de vaccination Covid à Bagnolet. C'est une bataille. Le maire de Stein a obtenu, lui, après une longue bataille, qu'enfin il y ait un centre de vaccination à Stein, parce qu'il se bat. Voilà. Nous, on est dans une ville où, parce qu'il y a tous ces problèmes, parce qu'il y a tout ce dysfonctionnement, on ne peut même pas mener des batailles simples, basiques, sur la question d'un centre de vaccination de proximité à Bagnolet. Vous nous demandez ce soir de parler du budget, mais on ne peut pas, à vrai dire, vous faire confiance. On ne peut pas vous faire confiance sur vos commissions, on ne peut pas vous faire confiance sur votre budget. Donc, ce soir, puisque dans l'immédiat, vous refusez d'entrer même dans une discussion de 5 minutes, une suspension de séance, c'est ça, c'est parler avec nous 5 minutes. Même ça, vous n'êtes pas capable de le faire. Par conséquent, nous quitterons le conseil municipal ce soir et on vous laisse terminer seul cette tartufferie de démocratie que vous voulez présenter aux Bagnolettes, aux Bagnoletaises et Bagnoletais. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 11 mars. Est-ce qu'il y a des observations ? Non. Pas d'observations. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, adhésion au CIGIF de la commune des Loges en Josas. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observations. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Désignation d'un représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration de la société anonyme de coordination habitée à Est-Ensemble. Donc pour le compte de l'OPH, Abdelkrim Karamaoui et moi siégerons au sein de cette SAC. Donc pour le compte de la ville, il est proposé que Vassindou Cissé siège au sein de la SAC. Des observations? Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes sur son territoire. Donc Caline est excusée et Émilie se propose de faire la présentation qui me paraît quand même importante de faire. Merci. Donc, je suis déçue parce que je pensais qu'il pourrait assister à ma deuxième intervention. Donc, en l'absence de Caline Trebitsch, elle m'a demandé de présenter le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes sur notre territoire. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un rapport annuel qui est obligatoire légalement depuis 2014 pour les collectivités ayant plus de 20 000 habitants. Et comme le prévoit aussi la loi, ce rapport doit être présenté préalablement au débat sur le projet de budget sans qu'il soit ensuite nécessaire ni d'en débattre ni de le voter, puisqu'il s'agit d'une simple présentation. Donc le rapport que vous avez ainsi sous les yeux, dont vous avez pu prendre connaissance, est divisé en quatre parties. La première concerne la situation comparée des femmes et des hommes sur le territoire de Bagnolet et les actions envisagées par la ville visant à réduire les inégalités constatées. C'est une partie dans laquelle on retrouve des données concernant la démographie de la ville de Bagnolet, la composition de la population avec des focus sur le service animation retraité senior du CCAS, sur la population étrangère résidente à Bagnolet, la composition des ménages et des données de santé. On y trouve aussi des données concernant les professions et les catégories socio-professionnelles, les actifs, chômeurs, inactifs, les salariés et non salariés et le recours au temps partiel, notamment des femmes. On y retrouve toujours des données concernant l'enfance, la petite enfance, la jeunesse et l'éducation, avec un focus sur la lutte contre les stéréotypes de genre au cœur du projet du service enfance. La deuxième partie de ce rapport concerne la lutte contre les violences faites aux femmes, pour le respect de la dignité et des droits des femmes, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, cette année particulièrement, puisque à l'épreuve de la Covid-19. Dans cette partie, nous avons un focus sur la déconstruction des préjugés et stéréotypes du genre, avec les actions qui ont lieu notamment autour de la journée du 8 mars, et aussi les actions de lutte contre le sexisme et la déconstruction des stéréotypes de genre dans les collèges publics de notre ville, et la suite des marches exploratoires qui ont eu lieu à la Capsulerie. Nous y trouvons aussi le travail autour de la prévention et de l'information pour mieux garantir aux femmes leurs droits, et la lutte contre les violences faites aux femmes par un accompagnement social, le groupe au sein du CLSPDR et évidemment l'association Un Toit pour Elles. La troisième partie, c'est celle qui permet d'expliciter les objectifs que la ville de Bagnolet s'est fixée pour déconstruire les stéréotypes et lutter contre les discriminations par le prisme du genre. C'est là qu'on y retrouve l'opération Lutter contre les discriminations et aussi la stratégie territoriale de lutte contre les préjugés, les stéréotypes, les discriminations, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égale dignité et l'égalité des droits des habitantes et habitants de Bagnolet. C'est aussi dans cette troisième partie que nous retrouvons la synthèse du questionnaire adressé à tous les services de la ville de Bagnolet de mars à juillet 2020. Enfin, ce rapport conséquent se termine par une quatrième partie qui est le corpus réglementaire relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit dans les politiques publiques, dans l'emploi ou encore vis-à-vis de la famille et du droit patrimonial. Je vous remercie. Merci, Émilie. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention? Donc, je propose de passer aux voix. Qui est pour ce rapport? De toute façon, on ne vote pas. Maman me dit faire voter. On prend acte ou on fait voter? On fait voter. Donc, qui est pour l'adoption de ce rapport? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Compte de gestion. Olivier. Donc sur le compte de gestion, je propose plutôt de présenter les éléments budgétaires sur le compte administratif. Ouais. Constater simplement que le compte de gestion est conforme et identique au compte administratif. Et donc, proposer de prendre acte de cette régularité. C'est tout ? Compte de gestion. Bon. Il y a des observations sur le compte de gestion ? Pas d'observations ? Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Présentation C'est approuvé. Présentation du compte administratif. Et avant le vote, je serai amené à céder la présidence à Olivier. Donc, le compte administratif 2020 est évidemment un document qui retrace une année budgétaire exceptionnelle, année marquée par l'épidémie de Covid-19, une année marquée par deux confinements qui ont évidemment lourdement impacté la vie de tous les Français, de toute la planète même, mais aussi évidemment budgétairement, puisque la fermeture des crèches, la fermeture des écoles a induit la suspension des activités périscolaires et donc l'arrêt des recettes liées à ces activités, alors même que la ville a continué évidemment de rémunérer ses agents titulaires, mais également, c'était un choix politique fort, les agents vacataires pour qu'à la crise sanitaire ne s'ajoute pas une crise sociale. Des pertes de recettes importantes également liées évidemment aux recettes d'utilisation du domaine public, aux droits de voirie, particulièrement à Bagnolet, la taxe de séjour évidemment avec la suspension de l'activité touristique, puisque nous n'avons eu comme recette qu'à peu près 30% de nos recettes habituelles par rapport à l'exercice 2019. Des adaptations lourdes aussi sur le fonctionnement d'un certain nombre de services. Nous avons été contraints de supprimer Bages aux Plages au regard des normes sanitaires. Nous avons fusionné Fête de la Ville, Forum des associations, afin de permettre un maintien à minima d'un moment festif en septembre 2020. Mais évidemment, des économies ont pu être réalisées à cette occasion. Nous avons un coût total de l'ordre de 2 millions d'euros de la crise sur le budget 2020. Des aides de l'État qui étaient promises, qui n'ont jamais abouti. Il y avait un fonds de garantie voté en loi de finances rectificative au mois de juillet 2020 qui devait permettre à 14 000 communes de bénéficier d'une garantie de recettes. Finalement, seules 2 000 à 2 500 communes de moins de 3 500 habitants pour l'essentiel bénéficieront d'une garantie limitée. Nous avons donc été peu accompagnés financièrement par l'État. Nous avons bénéficié à minima d'un remboursement partiel de certains engagements sur des masques et le gel hydroalcoolique et d'un étalement comptable de certaines de ces dépenses, mais ces aides sont restées très, très limitées. Dans ce contexte, évidemment, la première année de mandat de nouvelle majorité municipale n'est pas significative en matière de réalisation budgétaire. Nous avons poursuivi les programmes en cours, nous avons poursuivi le soutien aux activités sociales, aux activités culturelles. Nous avons en particulier fait un effort sur l'accompagnement des ménages modestes pour assurer la continuité scolaire avec la mise à disposition de matériel informatique, avec un travail avec les associations, la numérisation de nos propres services qui n'étaient pas adaptés à un télétravail généralisé. Nous avons distribué 80 000 masques en avril-mai 2020 afin de permettre à la majorité des Bagnoletais, alors que les masques étaient à ce moment-là à un prix évidemment qui était particulièrement élevé, un coût qui pouvait atteindre 200 à 250 euros pour une famille avec deux enfants, de permettre à chacun de pouvoir retrouver un semblant de vie au moment du déconfinement. Le budget 2020, malgré ses contraintes, se positionne en excédent sur la section de fonctionnement, puisque l'excédent s'élève à 2 524 000 euros, 3 600 000 euros avec la reprise du résultat 2019. La section d'investissement montre certes un déficit de 6 millions d'euros, mais qui s'explique par le phasage des opérations en rue et notamment par le décalage sur le tirage des emprunts, puisque la ville ne tire les emprunts qu'au dernier moment lorsqu'elle en a besoin pour éviter évidemment d'assumer des charges d'intérêt qui sont liées à ces opérations financières. Et donc, malgré ce contexte, nous avons pu avoir un budget dont le résultat global est excédentaire et qui nous permet, sur l'exercice 2021, alors que ces contraintes se poursuivent, de pouvoir récupérer cette situation dans la construction budgétaire 2021, l'équilibre 2021. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques, donc. Bien, donc, conformément à la législation, le maire se retire des opérations de vote s'il en est pris acte. Y a-t-il des prises de parole ? N'en voyant pas, nous allons procéder par un vote global sur l'ensemble du compte administratif 2020. Qui est pour le compte administratif 2020 ? Il est donc adopté à l'unanimité. J'invite donc Monsieur le maire à retrouver la présidence de séance. Donc le point suivant concerne l'affectation des résultats 2020. Olivier. Délibération classique, donc il est proposé de reprendre les résultats que nous voulons de valider au compte administratif 2020 sur le budget primitif 2021. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, fixation des taux des trois taxes applicables en 2021. Avec une particularité, allez Olivier. Oui, donc nous sommes dans une année, vous le savez, de transition, puisque la décision du président de la République d'amener à une suppression totale de la taxe d'habitation s'est traduit d'abord par une suppression partielle, donc un dégrèvement en trois temps de la taxe d'habitation pour les 80% des ménages ayant les revenus les plus faibles. Et à partir de cette année, elle se met en œuvre pour les 20% des ménages restants, avec donc un mécanisme de suppression totale de la taxe d'habitation. Afin de simplifier le traitement de cette réforme par les services fiscaux, le gouvernement a décidé de geler pour la période 2021-2022 incluse le pouvoir de taux des collectivités sur la taxe locale sur les logements vacants et sur la taxe additionnelle. Nous sommes donc amenés uniquement aujourd'hui à délibérer sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Afin de permettre une neutralité financière de l'opération de suppression de la taxe d'habitation, le gouvernement a décidé de transférer la part départementale de la taxe foncière aux communes et, corrélativement pour les départements, de mettre en place un mécanisme de reversement d'une fraction du produit de la TVA au bénéfice donc de ces collectivités. Évidemment, selon la nature des bases fiscales des départements, pour certaines communes, ce transfert se traduit par une perte de recettes. Pour d'autres, il y a un mécanisme de gain. C'est le cas pour Bagnolet, puisque nous sommes dans une situation où les recettes transférées de la part départementale à taxe foncière sont inférieures à notre produit de taxe d'habitation de l'ordre de 4 millions d'euros. La législation a donc prévu un mécanisme de coefficient correcteur qui nous sera notifié par les services fiscaux et qui viendra corriger le déficit avec l'objectif que cette opération donc de suppression de la taxe d'habitation soit compensée à l'euro près par l'État. Naturellement, qui dit compensation dit suppression de la dynamique, ce qui est un des enjeux de la suppression de la taxe d'habitation, puisque nous allons perdre en dynamique fiscale dans le temps. Néanmoins, nous envisageons en 2021 donc cette stabilité. Nous sommes donc amenés à délibérer sur un taux global qui inclut le taux communal augmenté du taux départemental. Je précise, c'est important pour ceux qui nous écoutent, que nous n'augmentons pas en 2021 les taux d'imposition. Les taux d'imposition 2021 seront identiques au taux d'imposition 2020, même si le taux qui sera porté sur les documents que recevront évidemment les contribuables sera un taux plus élevé, puisqu'il sera un taux qui additionnera le taux départemental et le taux communal. Des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, taxe foncière sur les propriétés bâties, modulation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Donc nous avions délibéré en 2016 afin de supprimer une exonération qui est une exonération de droit pour les logements neufs, qui est l'exonération de 2 ans. Sur les propriétés bâties, c'est-à-dire que les 2 premières années d'occupation d'un logement neuf, on était exonéré de taxes foncières. À Bagnolet, à cette période-là, si vous vous souvenez, nous étions en train de réceptionner un nombre très important de logements lancés sous la mandature précédente, des logements qui généraient évidemment une arrivée de population nouvelle qui était tout naturellement en demande de services publics de qualité, dans les crèches, dans les écoles et les autres services publics de la ville. Et il ne nous semblait donc pas légitime que la ville se prive pendant 2 ans de recettes fiscales dès lors qu'elle assumait évidemment la charge de ces populations nouvelles. C'est la raison pour laquelle nous avons délibéré à ce moment-là pour qu'à compter des impositions dues au 1er janvier 2017, l'exonération de taxe d'habitation soit supprimée. Depuis la loi de finances pour 2020, une modification de l'article 1383 du Code général des impôts a induit une suppression de ce mécanisme qui permettait une suppression totale de l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties de 2 ans. Elle limite cette possibilité uniquement à 40 à 90% de la base imposable. De ce fait, nous sommes appelés à redélibérer sur cette question de manière à ce que les logements qui seront livrés en 2021, on estime potentiellement à 850 le nombre de logements qui seront livrés en 2021, soit sur la base de ce que nous connaissons de la fiscalité de la ville, près d'1 million d'euros de recettes. Si nous ne délibérions pas, alors tous ces logements qui entreraient pour la première fois dans l'imposition au 1er janvier 2022 seraient exonérés pendant 2 ans. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons, en cohérence avec la délibération qui a été passée alors, de supprimer partiellement donc cette exonération en la maintenant au niveau le plus faible, soit 40% d'exonération de la base imposable. Merci Olivier. Des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Donc la délibération suivante concerne le vote du budget primitif pour 2021. Avec une particularité cette année, nous procéderons à un vote global du budget et un vote séparé de l'article 65 concernant les subventions aux associations. Donc Olivier fera une présentation globale et Yasmina aura l'occasion de présenter la question des subventions aux associations. Voilà. Et donc Olivier, tu as la parole pour la présentation du BP. Merci. Donc le budget primitif 2021 s'inscrit comme le budget 2020 dans un contexte sanitaire exceptionnel et très volatile. Aux contraintes financières existantes de la ville s'ajoutent ainsi des pertes de recettes et des dépenses exceptionnelles qui pèsent plus de 2 millions d'euros sur les comptes municipaux. Si on tient compte de la baisse de 5 millions d'euros des dotations de l'État par rapport à 2014, nous nous retrouvons donc en 2021 sur une ligne de crête. Ligne rendue plus abrupte encore par la nécessité de renforcer le service public pour accompagner les conséquences sociales de la pandémie. Néanmoins, notre majorité municipale a voulu faire de ce budget de crise un budget ambitieux et qui prépare l'avenir. Un budget tourné tout d'abord vers l'éducation et nos écoles, avec le lancement au deuxième semestre des premiers travaux de reconstruction de l'école Pêche d'Or, accompagné de sa crèche, de son centre de loisirs et de sa bergerie. La réalisation aussi de près de 600 000 euros de travaux d'entretien et de rénovation dans les 18 écoles de la ville, un renouvellement important du mobilier scolaire et l'achat de mobilier adapté aux enfants porteurs de handicap, ou encore un investissement de 121 000 euros pour le renouvellement du matériel informatique des écoles et le câblage fibre. Enfin, la ville fera l'acquisition en 2021 pour 543 000 euros du terrain situé entre la rue Grain-d'Orge et l'avenue Gambetta, dans le cadre de l'opération Belin, pour la construction d'une école élémentaire en centre-ville. Les plus petits ne seront pas oubliés non plus, avec l'ouverture en septembre 2021 de la nouvelle crèche Tofoletti et l'acquisition cette année pour 850 000 euros des locaux de la future crèche Sans Paix au Malassis. Ce budget 2021 fait également de la solidarité et de la santé des priorités, d'autant plus essentielles en cette période de crise. Les moyens dévolus au CCS seront confortés avec une subvention de 1 395 000 euros, de même que ceux du Centre municipal de santé, en première ligne depuis plus d'un an, pour faire face à l'épidémie. Le centre de santé sera notamment doté cette année d'un nouveau panoramique dentaire à 62 000 euros, afin de renforcer toujours plus la qualité de notre plateau technique. Enfin, nous ouvrons des crédits budgétaires pour la réalisation d'une mission d'assistance à la mise en œuvre de la mutuelle communale de santé, qui est pour nous plus nécessaire que jamais. La ville a également mobilisé des crédits en fonctionnement comme en investissement pour pouvoir ouvrir un centre de vaccination Covid au gymnase Baquet dans un délai court, comme nous le demandons depuis décembre 2020. Cet effort dépasse d'ailleurs les seuls services municipaux puisque nous proposerons, dans le cadre du vote des subventions aux associations, une augmentation de 67% des subventions aux associations de solidarité, notamment dans le domaine de l'aide alimentaire. Notre troisième priorité, enfin, c'est l'engagement de la transition écologique de l'espace public. Celle-ci passe tout d'abord par la valorisation et la réappropriation d'espaces verts délaissés. Ce sont ainsi 180 000 euros qui seront mobilisés pour le réaménagement des squares, comme le square Jules Ferry, et 455 000 euros pour le comblement des carrières du 115 rue Robespierre, afin de rendre à terme ce site historique et végétal au plus grand nombre. Nous engagerons également une enveloppe de 100 000 euros pour un premier chantier expérimental de déminéralisation de l'espace public, en commençant par une cour d'école et en anticipation de projets futurs qui viendront retrouver de la fraîcheur sur ces équipements très minéralisés. Nous mettrons en œuvre, dès la rentrée scolaire de septembre, tous les jours, un menu végétarien en complément du menu habituel et allons engager 265 000 euros de travaux et de renouvellement de matériel à la cuisine centrale et dans les offices pour offrir ce double menu dans de bonnes conditions. Cet effort s'inscrivant dans un travail plus large dans le cadre d'un nouveau marché public pour offrir des produits de meilleure qualité, plus en lien avec la saisonnalité, favorable au circuit court et permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, nous mettons ainsi en œuvre les conclusions de la concertation menée en 2019 et 2020. Dans le cadre des 1,9 million d'euros ouverts pour le démarrage des travaux de l'école Pêche d'Or, ce sont 250 000 euros qui sont prévus pour le déplacement sur la parcelle de la bergerie des Malassis et la viabilisation du terrain qu'elle occupera le temps des travaux, preuve à nouveau de notre attachement à celle-ci. La transition écologique, enfin, se traduira par un effort porté sur le budget dédié à la voirie avec une enveloppe en hausse de 25%, afin notamment d'accompagner les travaux en cours sur le développement des mobilités douces, avec le travail qui se fait au sein du comité vélo, et de poursuivre la transition de l'éclairage public vers des LED moins consommatrices d'énergie. Le budget 2021 verra également l'achèvement de la première phase de la rénovation urbaine, avec les derniers travaux résiduels prévus au Malassis, et la clôture de la convention publique d'aménagement de l'ANOU, pour un total de 7,2 millions d'euros. Enfin, la ville engage en 2021, profitant de marchés financiers particulièrement favorables, une opération de réaménagement de plusieurs contrats de prêt afin de réduire la charge et le poids de la dette et de dégager des marges de manœuvre qui soutiendront vos investissements. Ce budget de 118 millions d'euros est donc un budget ambitieux malgré un contexte de crise inédit. Bien sûr, un certain nombre des adaptations mises en œuvre en 2020 du fait des règles sanitaires seront maintenues en 2021. Bajo Plage n'aura ainsi pas lieu cet été à nouveau, considérant que le calendrier vaccinal rend improbable l'accès des plus jeunes et premiers utilisateurs à cet équipement. La fête de la ville et le forum des associations demeureront fusionnés en septembre afin de compter sur près de 3 mois de vaccination supplémentaire. Les séjours d'été à l'étranger seront également annulés, considérant évidemment les incertitudes quant aux règles de circulation des personnes non vaccinées en dehors des frontières nationales. Cependant, comme en 2020, c'était un travail mené notamment par Mamadou Sylla, une offre de subvention de qualité sera proposée pour assurer l'accès de tous à des vacances cet été. En matière d'investissement, un effort particulier est à signaler s'agissant de l'amélioration de l'habitat. La ville contribuera ainsi à hauteur de 2,4 millions d'euros au financement de plusieurs opérations de rénovation de logements sociaux afin de favoriser la réhabilitation des immeubles qui n'avaient pas été retenus dans leur U1 ou de réduire l'impact des réhabilitations sur le reste à charge et donc le loyer des ménages. Il complète l'effort dévolu à la rénovation urbaine que j'ai cité, mais aussi les 4,2 millions d'euros mobilisés pour la réhabilitation du patrimoine communal, ou encore les 2,7 millions d'euros prévus pour la voirie et les réseaux. S'agissant enfin du personnel communal, le budget 2021 s'inscrira dans une stabilité par rapport à 2020, malgré un renforcement de l'encadrement et des recrutements nouveaux. Des négociations sont par ailleurs en cours avec les représentants du personnel, dans le cadre de la mise en œuvre de l'annualisation du temps de travail notamment, des mesures qui porteront un impact budgétaire à partir de 2022. Je vous remercie. Merci Olivier. Vous avez la parole, Édouard. Alors, quelques mots complémentaires dans une enceinte un peu plus dépeuplée que ce qu'on pouvait penser. C'est dommage parce que toutes les sociétés démocratiques sont fondées sur le consentement à l'impôt et donc parlementées à quelques strates que ce soit de l'État ou communal des impôts et du budget. C'est quand même l'acte démocratique par essence et c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire avec l'opposition. Le moment du débat budgétaire, au-delà de la technicité des documents qu'on a sous les yeux, c'est un moment où on fixe le cap de la politique et dans le contexte que l'on connaît. Quelques éléments que nous, on va retenir dans le groupe Bagnolet en commun sur ce que doit être la trajectoire budgétaire de la ville, donc dans le contexte difficile que nous connaissons. Comment retrouver des marges de manœuvre financières, comment investir et comment orienter fortement notre ville dans l'impérative décarbonation de son budget et de son action. Pour retrouver des marges de manœuvre d'abord, Il va falloir travailler, et ça a été dit par Olivier, et ça sera fait par cette délégation, sur la soutenabilité de notre dette, travailler sur la renégociation, le désendettement, et faire ce désengagement dans une trajectoire de long terme. Je pense aussi qu'il faut qu'on travaille collectivement avec l'administration à la recherche de davantage de financements extérieurs. Je prends un exemple récent de ce qui a pu être mené sur le plan de relance numérique dans l'éducation. C'est ça qu'il faut multiplier. C'est à ce prix-là qu'on pourra offrir plus de projets, plus de moyens à la ville en matière d'éducation, de jeunesse, d'environnement notamment. Et je veux à ce titre saluer le travail des services sur ce point précis. Enfin, il faut mieux maîtriser nos dépenses de fonctionnement, d'abord en travaillant sur la sobriété dans la ville. La sobriété écologique, ça va être aussi une sobriété économique, moins de consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, de fluide, de véhicules, etc. Tout ce qui sera à Bagnolet bon pour la planète sera aussi bon pour nos finances. Enfin, et c'est impératif, il faudra mieux maîtriser la trajectoire de la masse salariale dans notre ville, pas par des mesures contre les agents, mais en travaillant avec eux. On en parlait en bureau municipal lundi soir avec le président de l'EPT, notamment sur la question des synergies. C'est seulement la maîtrise du fonctionnement qui permet d'investir et d'investir dans les priorités que nous avons fixées. Donc tu l'as dit, Olivier, tout à l'heure, dans ce budget, on investit d'abord pour la construction des écoles, on l'a rappelé, la programmation de Pêche d'Or, l'acquisition de la parcelle Belin. Pour la santé, donc le CMS, ça tenait à cœur à Grégoire, je le rappelle une deuxième fois, la radiographie dentaire sur le plateau technique, c'est important, c'est attendu depuis de longues années. Pour l'environnement, avec les moyens d'amorcer notamment la débitumisation des cours d'école, tu en as parlé, le 115 Robespierre, et puis Anne, tu parleras tout à l'heure, là c'est pas directement dans le budget de 2021, mais dans groupement de commandes pour un budget décarboné au niveau du territoire. Enfin, pour investir plus et mieux, on va devoir travailler collectivement à une meilleure programmation pluriannuelle de nos investissements. C'est à ça qu'on doit s'attacher aussi collectivement, chacun dans nos délégations et sous l'autorité du maire. La crise sanitaire est une crise sociale qui rend plus que nécessaire l'action publique. On l'a dit pour la santé, pour l'éducation, pour la jeunesse et pour l'emploi notamment. La protection de toutes les Bagnoletaises et de tous les Bagnoletais. Et comme ce budget s'y emploie, nous le voterons donc. Je vous remercie. Merci Edouard. Edith et ensuite Grégoire. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, je m'adresse surtout aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais qui nous écoutent au nom du groupe des Écolos Solidaires. On le sait, le budget de la ville est contraint par un historique de dette et compliqué aujourd'hui par l'impact de la crise sanitaire. Mais donc nous saluons, les Écolos Solidaires, l'effort de structuration du budget pour conserver un niveau de service public important. La municipalité veut ce service aux Bagnoletais solidaire et écologique, et nous défendons très fortement que les deux sont liés. La demande d'une vie plus fraternelle, d'un environnement plus sain, de meilleure qualité, d'une ville apaisée, plus accueillante à la biodiversité, plus résiliente au dérèglement climatique, la demande enfin de services et d'une économie plus inclusive et solidaire, et d'une concertation renforcée est une aspiration partagée par nos concitoyennes et nos concitoyens. La transformation solidaire et écologique de la ville a commencé et prendra réellement son essor avec le budget 2021. Alors parler budget peut-être semble rébarbatif et éloigné des préoccupations les plus immédiates de notre vie dans la ville. Je veux vous montrer comment ce budget bénéficiera aux habitants et surtout en quoi les Bagnoletaises et les Bagnoletais peuvent continuellement et toujours participer aux choix sur les réalisations en cours par différents organes de concertation et de participation, le comité vélo, des consultations publiques sur la transformation des espaces verts, l'adoption de pieds d'arbres, des ateliers participatifs sur l'eau dans la ville, des laboratoires du code de la rue peut-être, etc. Alors pour commencer, le bail voirie est relevé à 1 million d'euros pour l'entretien courant de l'espace public et 388 000 pour le renouvellement de l'éclairage public et de la signalétique verticale. Donc nécessaire pour assurer un niveau de service décent malgré un retard d'investissement de plusieurs années. auxquelles s'ajoutent des dégradations coûteuses à la collectivité. C'est un effort important de notre politique budgétaire que je salue en cette année de budget particulièrement tendu. Que les bagnoletaises et les bagnoletais prennent soin de leur environnement. Nous nous attacherons à ce que chaque opération d'entretien contribue à la transition écologique en y incluant une réflexion sur le fil d'eau et sur la végétalisation. La transformation de la voirie pour son partage avec les mobilités douces était également au cœur des enjeux. 400 000 euros permettront l'aménagement du passage et du square des Lauriettes. Cet investissement est cofinancé à hauteur de 100 000 euros par les promoteurs ayant construit les nouveaux immeubles adjacents avenue Gambetta. L'aménagement prévoit notamment une noue pour drainer les eaux de pluie. Parmi les grands projets, la réhabilitation du 115 rue Robespierre, donc un budget de 454 000 euros permettra pour cette année le comblement des carrières, une sécurisation du site et l'amorce du projet écologique et citoyen souhaité par la municipalité. Nous aspirons à ce que ce lieu devienne, à deux pas du pôle Gallieni et de la Capsulerie, un nouveau centre de la transformation sociale et écologique, sous l'impulsion d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec et en direction des habitants du quartier. Afin de renforcer la place de la nature en ville, un budget à hauteur de 180 000 euros est prévu pour l'aménagement des squares Jules Ferry, Varlin et Louise Michel. Les habitants seront pleinement associés au choix de réaménagement, avec le souhait qu'ils s'approprient ces espaces pour renouer avec la nature et les pratiques écologiquement vertueuses. Enfin, la municipalité porte le projet d'un espace vert et de la bergerie reconstruite à côté de l'école maternelle Pêche d'Or. Je rappelle qu'en plus du budget déjà prévu pour cette construction, 1,5 million ont été budgétés pour le financement d'études complémentaires liées à la concertation menée au premier trimestre et les premiers travaux de démolition des deux classes devant être démolis dès cette année. Une enveloppe de 250 000 euros est prévue pour la viabilisation du terrain temporaire de la bergerie sur la parcelle et son déménagement. La direction de l'environnement bénéficiera d'un budget en légère hausse de 195 000 euros pour le renouvellement de jeux, clôtures, bancs, corbeilles, matériel agricole, jardinière et plantation d'arbres. Elle bénéficiera aussi d'investissements pour le renouvellement du parc de véhicules vers des véhicules plus propres, notamment électriques. Enfin, la municipalité entame dès 2021 des actions concrètes destinées à replacer l'eau dans la ville, c'est-à-dire mieux gérer les eaux de pluie pour restaurer le cycle de l'eau et le climat. Un budget de 100 000 euros est prévu pour transformer des cours d'école. Au-delà de ce qui a été fait à Paris dans les cours Oasis, l'ambition affichée est une gestion intégrale des eaux de pluie à la parcelle, incluant les surfaces bâties. Toutes les opérations de transformation du paysage associeront les habitants et s'appuieront sur leur expertise d'usage. Pour les cours d'école, les usagers seront associés au projet dès sa conception. Merci Edith. Grégoire. Merci Monsieur le Maire. Voilà, lutter contre les inégalités de santé est une priorité pour la municipalité. Et je crois que ce budget traduit bien cette priorité à travers la mise en œuvre de la mutuelle municipale et également l'investissement dans la radio panoramique dentaire. Quand on sait qu'une personne sur trois renonce à des soins dentaires pour des raisons financières, investir dans le centre dentaire qui permet d'avoir accès à des soins dentaires à des prix raisonnables et d'une importance capitale. Dans le budget également, Olivier l'a mentionné, il y a une enveloppe pour l'ouverture d'un hypothétique centre de vaccination au gymnase Maurice Baquet. Je voudrais revenir sur la vaccination deux minutes, puisque Mme Garrido en a parlé, et c'est dommage qu'elle ne soit pas là pour entendre ce qu'on avait à lui dire ce soir, parce qu'on avance et on se bat. On se bat tous les jours sur ce sujet, et je pense que la direction santé, les agents du centre municipal de santé, je pense, sont tous parfois déçus de la remise en cause de leur mobilisation et de leur pleine mobilisation quotidienne sur ce sujet. Et depuis maintenant quelques mois sur la vaccination et depuis plus d'un an sur le Covid. Sur la vaccination, la Seine-Saint-Denis souffre toujours d'un retard dans l'accès aux doses. 11% de la population de Seine-Saint-Denis est vaccinée aujourd'hui, 16% de la population française, fait 80 000 personnes en Seine-Saint-Denis qui n'ont pas bénéficié de doses du fait de ce retard. C'est les populations de Bagnolet, plus Romainville, plus Les Lilas, qui n'ont pas pu être vaccinées à cause de ce retard. Et ce retard se creuse. Fin mars, c'était 60 000 personnes. Aujourd'hui, c'est 80 000 personnes. Malgré ce manque de doses et malgré ces difficultés, la ville de Bagnolet a fait preuve d'une ingéniosité remarquable, et notamment ses agents et le service, et notamment le centre municipal de santé, mais également les professionnels de santé libéraux qui se battent au quotidien. J'étais avec Madame Sophie Mollier hier pour un prélèvement de test RT-PCR pour être sûr d'être négatif à ce conseil municipal. Et elle m'a aussi expliqué à quel point elle se battait tous les jours sur ce sujet. Voilà, et je pense que c'est un bon exemple de la politique qu'on veut mettre en place sur la santé à Bagnolet, ce qui est en train d'être mis en place sur la vaccination contre la Covid-19. Premièrement, on met en place une politique qui est proche de la population. La mise en place d'un numéro vert en quatrième de couverture du Bajomag, une diffusion large pour que tout le monde puisse y avoir accès à cette information et qu'on puisse justement contacter la mairie, un peu allô le maire, contacter la mairie, dire j'ai des questions sur les vaccins, comment je me fais vacciner, est-ce que je peux m'inscrire, est-ce que j'ai droit à me faire vacciner, parce qu'avec toutes les modifications des critères d'âge, on peut aussi être un peu perdu. Les gens peuvent appeler et la mairie répond. Deuxièmement, au plus proche de la population, parce qu'il y a une vraie mobilisation de l'ensemble des services, du CCAS, de la direction santé, de la logistique, pour essayer d'identifier les patients et les personnes qui doivent se faire vacciner, les accompagner. Et donc les listings, notamment du plan canicule, sont utilisés par le CCAS pour démarcher les gens, pour leur expliquer qu'ils peuvent bénéficier de la vaccination et pour les aider à se diriger dans ce système de santé qui est parfois un peu compliqué et dans le système de vaccination qui est actuellement un peu compliqué en France. Donc ça, c'est le premier point, un système au plus proche de la population. Le deuxième point, c'est véritablement une multiplication de l'offre de vaccination avec, bien sûr, les professionnels de santé libéraux, les Vaccibus qui ont vacciné les résidents de la Butte aux Pinsons, qui revient demain sur la place de l'Hôtel de Ville pour vacciner 96 personnes, un travail en collaboration avec les professionnels de santé libéraux et le centre municipal de santé pour identifier ces 96 personnes, pour identifier des personnes qui n'avaient pas pu se rendre dans des centres, qui n'étaient pas au courant, qui n'avaient pas les moyens de se rendre, de se faire vacciner. Donc on a identifié ces 96 personnes en appelant. C'est du temps, mais c'est un travail sur mesure, comme m'a dit la direction santé, mais qui est vraiment très apprécié de la population. Donc on a une multiplication de l'offre avec les professionnels de santé libéraux, les Vaccibus, les offres par le département, également le centre municipal de santé qui a mis en place des créneaux sur AstraZeneca. Et là, c'est la bonne nouvelle que je voulais annoncer à Mme Garrido ce soir, mais c'est vrai que depuis deux jours, l'ARS, suite à nos relances, qui ont quand même été nombreuses, et elle peut me croire, je pense, l'ARS, les relances aussi auprès du préfet par M. le maire, qui ont été extrêmement fréquentes, le centre municipal de santé va pouvoir avoir maintenant des doses de Pfizer et au Moderna et pouvoir vacciner, donc en fait avoir une offre de vaccins qui sera AstraZeneca, Pfizer, Moderna, donc l'ensemble des vaccins, et qui sera de facto un centre de vaccination, même s'il ne s'appelle pas comme cela, puisqu'on n'a pas d'autorisation préfectorale, mais ce sont des centres qui sont un peu hybrides, mais qui peuvent vacciner l'ensemble de la population. Donc on s'est battu, on se bat, on continuera à se battre, et on a des résultats, et c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour les Bagnoletaises et les Bagnoletais, et on continue justement à démarcher, et donc le CCAS et la Direction Santé sur le pied de guerre pour identifier les personnes, pour pouvoir, dès la semaine prochaine, vacciner au centre municipal de santé des personnes de plus de 75 ans ou de plus de 60 ans qui peuvent bénéficier de Pfizer Moderna et de l'ensemble de la vaccination. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci, Grégoire. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le budget ? Yasmina, sur le volet vie associative. Bonsoir à tous, monsieur le maire, chers collègues. Nous allons voter la partie du budget 2021 dévolue spécifiquement aux associations. Nous avons la chance à Bagnolet d'avoir un tissu associatif très riche et très actif. un tissu associatif qui attend de la municipalité écoute et soutien, et qui rend au centuple à la population le soutien que nous lui octroyons. C'est pourquoi je souhaite réaffirmer à nos administrés que la majorité municipale reste à l'écoute des Bagnoletais et du monde associatif en particulier. Nous souhaitons échanger et travailler pour l'intérêt général à l'écoute de toutes et tous. C'est pour cela que depuis le début de ce mandat et pour encore 5 années qui viennent, nos projets ont fait, font et feront l'objet de concertations préalables avec les acteurs associatifs et les habitants de notre ville. L'éducation populaire, notre expérience de militant, pour moi au sein de Bagnolet en commun et aujourd'hui notre expérience d'élu de la majorité, nous prouve chaque jour que nos idées ne sont que renforcées et améliorées par la participation active des acteurs du terrain. Je suis parfaitement consciente du moment politique et de la crise que nous traversons et du manque de confiance des citoyens envers les responsables politiques. Certains comportements ont entamé la confiance de nos concitoyens et Bagnolet ne déroge malheureusement pas à la règle. Par exemple, le passif financier antérieur à 2014 pèse encore pour partie aujourd'hui et contraint l'action publique de notre ville. Cependant, malgré cette situation, rendue encore plus complexe par la crise sanitaire, qui est aussi une crise économique, la majorité municipale continuera à défendre et à soutenir l'intérêt premier des citoyens et donc des associations de notre territoire. Ce soutien passe par les budgets alloués aux associations en fonction des projets et des actions qu'ils proposent au service des habitants de notre ville et des plus démunis. Tout ceci sur une base de critères clairs et transparents en fonction des priorités politiques que nous avons définies en amont lors de nos échanges avec les associations. Pour rappel, dès l'ouverture de ce mandat et sous l'autorité du maire, nous avons souhaité améliorer les critères d'attribution subvention aux associations. Il s'agissait d'un chantier prioritaire et porté par la majorité municipale afin de montrer clairement notre volonté de proximité et d'écoute, de démocratie et de transparence. Au-delà des financements, le tissu associatif a besoin d'écoute et de soutien pour répondre à ses défis, communication, logistique, etc. La majorité municipale soutient et soutiendra l'ensemble des associations, des créateurs, des lieux et des acteurs culturels, sportifs et écologiques. C'est-à-dire que tous ceux qui sollicitent notre municipalité et participent à améliorer le cadre de vie des Bagnoletais. Nous sommes fiers de les compter parmi les acteurs et les partenaires locaux. La majorité municipale souhaite également favoriser le développement et le renouvellement du tissu associatif sur son territoire. Les rencontres et ateliers de concertation au sujet des critères d'attribution de subventions ont d'ailleurs été pendant 1 mois et demi plus d'une centaine d'associations bagnoletaises. Ces rencontres en visioconférence ont été organisées par l'équipe de la direction et du service de la vie associative avec succès. Cette action a réussi le pari d'être à la fois exigeante et populaire. La participation à ces ateliers a reflété une grande diversité, mais également un grand espoir d'amélioration. Ces ateliers ont permis aux associations d'échanger et de s'exprimer tout en mettant en lumière leur action. J'ai découvert que certaines actions menées sur le territoire depuis plusieurs décennies sans visibilité ni reconnaissance. Donc nous souhaitons aujourd'hui participer à rendre hommage et visibiliser toutes ces associations qui mènent depuis plusieurs années des ateliers sportifs, des maraudes pour nourrir les plus démunis, soutenir les plus favorisés et qui n'ont pas attendu la crise sanitaire ou les élections municipales pour s'organiser. Certaines associations réalisent des actions humanitaires dans des pays où la misère et la famine font encore d'effroyables dégâts, mais aussi des actions autour de l'écologie populaire avec des publics en grande difficulté. En décembre dernier, j'ai soumis au maire ma feuille de route que j'ai voulue ambitieuse. La priorité politique que j'ai souhaité porter dans ce contexte est toujours en accord avec la municipalité. Ce devait d'être une réponse au contexte si particulier de crise sanitaire sur un fond de crise économique, sociale et environnementale que nous connaissons. Cette priorité politique a orienté la refonte des critères d'attribution et subvention, et vous le voyez ce soir dans le tableau qui est soumis à votre approbation. Nous avons décidé en commission de donner davantage aux associations qui portent l'aide humanitaire et alimentaire, ainsi qu'aux projets qui portent l'amélioration écologique et du cadre de vie à Bagnolet. Toutefois, l'enveloppe budgétaire étant limitée et ne souhaitant pas voir de baisse de subvention des autres associations, tous secteurs confondus, Des arbitrages ont été nécessaires afin de tenir ces priorités politiques. En effet, l'enveloppe allouée cette année pour des subventions aux associations n'est pas augmentée. Pour l'avenir, sachez que la feuille de route du secteur de la vie associative, validée par M. le maire, comprend une hausse graduelle du budget alloué aux subventions aux associations s'étalant sur les prochains exercices, et cela jusqu'à la fin du mandat. Mon ambition est de voir ce budget évoluer tout au long du mandat d'au moins 20% pour soutenir le tissu associatif, ce qui, dans le contexte actuel et la situation financière de notre ville, sera un soutien et un message politique fort en direction du tissu associatif et de l'ensemble de nos administrés. Je vous remercie. Merci Yasmina. D'autres ? Chouki ? Merci Monsieur le maire. Chers collègues, j'aimerais tout de même dire quelques mots sur tout ce qui a été dit précédemment. Alors c'est dommage que nos collègues élus de l'opposition soient partis, mais il m'a semblé quand même utile et important de préciser certains points. Parmi nos collègues élus de l'opposition siègent des élus de précédents mandats historiques, avant 2014, dont M. Laurent Jamet, qui a été adjoint au maire durant deux mandats successifs, dont le dernier en tant que premier adjoint. Nous connaissons tous le bilan de ces mandats, dont M. Jamet porte une grande part de responsabilité, puisque ce dernier a voté tous les budgets. Je vois dans leurs interventions aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ici et là, ce soir en séance, qu'ils prétendent avoir soulevé un scandale. Mais ils sont pourtant bien seuls, les seuls à ne pas comprendre que leur manœuvre politicienne a lamentablement échoué. Ils ne cessent de répéter le montant de 15 000 euros comme s'il s'agissait d'un véritable scandale. Or, M. Laurent Jamet a pourtant voté et proposé à de maintes reprises des subventions bien supérieures lorsqu'il était aux responsabilités. Il souhaite manifestement que l'on rafraîchisse sa mémoire. Eh bien, laissez-moi vous rappeler certains éléments importants. Il a accordé des subventions à des associations sans aucun critère d'attribution, premier élément, contrairement à notre majorité municipale. D'ailleurs, M. Jamet n'a pas hésité à accorder des rallonges de subventions, dont certaines d'entre elles atteignaient des montants de 25 000 euros. Et je ne parle là que de rallonges de subventions attribuées sur des événements ponctuels à des associations déjà subventionnées tout au long de l'année. Et je le répète, nos collègues élus de l'opposition sont scandalisés par une simple proposition, alors que M. Jamet a voté et accordé plusieurs de ces rallonges de subventions à de nombreuses associations qui avaient déjà des subventions conséquentes. L'enjeu ici n'est pas de s'offusquer sur l'attribution de ces subventions, elles étaient probablement légitimes, mais il s'agit tout de même d'un montant pour un complément de subvention de 25 000 euros accordé sans aucun scandale. Je le répète, sans aucun scandale. Aujourd'hui, pour 15 000 euros, tout à fait justifiés, et même pas validés, ni accordés, ces derniers ont écrit un texte truffé de stéréotypes réactionnaires d'un autre temps. Je tiens également à préciser au passage que cette association n'était pas la seule pour laquelle nous souhaitions demander la plus grande hausse. D'autres associations ont également déposé des demandes légitimes. Leur travail de terrain n'est d'ailleurs plus à démontrer, et pourtant, depuis des décennies, certains de nos collègues élus de l'opposition ne cessent de s'acharner à calomnier les mêmes associations. Les demandes d'augmentation des subventions aux associations et les propositions défendues par Yasmina Sadoud, élue à la vie associative, étaient légitimes. Malheureusement, les précédentes mandatures municipales dans lesquelles siégeait M. Jamet, notamment, nous ont légué une situation financière qui ne nous permet actuellement pas de répondre à la hauteur des enjeux et des projets portés par les associations de notre ville. D'ailleurs, il me semble utile de rappeler encore une fois certains éléments d'autant plus importants, et pour cela, je me permets de revenir sur le rapport d'audit financier portant sur les mandatures où M. Jamet était aux responsabilités et qui avait fait l'objet d'un conseil municipal extraordinaire lors du précédent mandat, présenté notamment par mon collègue Olivier Taravella durant le mandat précédent. Ce rapport est sans appel et avait démontré la manière dont M. Jamet et ses collègues élus de la majorité de l'époque avaient décidé de gérer les affaires de notre ville. Je vous propose de revenir sur quelques exemples édifiants. Premier exemple, novembre 2013, trois personnes envoyées aux frais de la ville à Cuba, une semaine pour une supposée coopération avec certaines villes locales, au final, aucune coopération, mais une facture de plus de 10 000 euros pour les finances de la ville. Et la liste de ces voyages en avion, réalisés par nos anciens élus communistes, est longue. Djerba, Toulouse, Rome, Milan et bien d'autres. Que penser de l'utilisation, par ailleurs, de la carte de la ville par certains élus de la majorité dans laquelle siégeait M. Jamais, notamment pour régler des frais d'essence, des frais de péage ou des frais de parking? Pourquoi certains élus de cette majorité se sont rendus à Bastia ou Toulon en plein mois de juillet ou dans une station de ski au mois de février? Pire encore, quelle pouvait être leur activité dans le 16e arrondissement de Paris où bon nombre de parkings ont été facturés à la ville dans des adresses qui correspondaient parfaitement à celles de grands hôtels parisiens? Et les exemples tels que ceux-là sont nombreux. La question qui demeure aujourd'hui sans réponse, elle est la suivante. Quelles sont les justifications? Quel pouvait être l'intérêt de nos administrés dans toutes ces dépenses? Et pour conclure, chers collègues, j'aimerais juste vous dire, soyez assurés que nous continuerons à faire les demandes qui nous semblent légitimes et de défendre toutes les associations, sans distinction, y compris celles qui sont sur la liste noire de nos collègues élus de l'opposition. Je vous remercie. Merci, Chouki. Mariam. Bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Alors, moi, je vais intervenir par rapport aux subventions. Alors, l'écologie est au cœur des préoccupations de notre majorité, raison pour laquelle nous pouvons saluer cette année la progression de 25% des subventions consacrées aux associations environnementales. Il s'agit d'une amorce de rééquilibrage bienvenue. Nous sommes bien conscients que cela s'inscrit dans un budget contraint par la crise sanitaire et par la situation financière difficile de notre ville. Il n'en demeure pas moins que cela reste modeste au regard des priorités que nous voulons donner à l'écologie. Les 10 associations environnementales subventionnées, y compris l'École des chats, perçoit 1,94% de la somme totale dédiée aux subventions associatives, soit 25 300. La moitié de cette subvention, soit 12 000, est consacrée au renouvellement de la subvention à Sort de Terre, ce qui montre l'effort persistant en faveur de la bergerie des Malassis. Les autres associations perçoivent des subventions beaucoup plus limitées, mais en nette progression cette année. Il est évident que la crise écologique qui se précise d'année en année ne peut que nous obliger à aller plus loin, pour soutenir l'initiative et remettre les citoyens au cœur de l'action du Pôle environnement, mais il faut que chacun puisse s'initier aux gestes qui permettent de refaire du sol, planter, entretenir, composter, savoir tailler les fruitiers, entretenir les jardins partagés et y introduire les arbres, arbustes, les végétations pérennes. Adapter au climat qui change, recueillir les eaux de pluie et les réutiliser, ou encore développer la pratique du vélo, en apprenant à toutes et à tous à en faire ou à organiser des bourses au vélo dans notre ville, autant d'initiatives utiles à mener à se développer. Cette montée en puissance de l'écologie dans notre ville doit passer par une augmentation raisonnable des subventions aux associations existantes, au fur et à mesure qu'elle se développe et porte des projets nouveaux. Elle peut passer par la création d'une nouvelle association ou par l'accueil d'associations qui n'étaient pas implantées à Bagnolet jusqu'à présent et par leur soutien. Cela nécessite ainsi une amélioration de l'information aux associations qui doivent pouvoir connaître précisément les aides auxquelles elles ont droit et comment les obtenir. C'est important, en particulier pour les associations nouvellement créées et celles qui viennent de s'installer à Bagnolet. Il faut se rendre compte que ceux qui œuvrent pour l'environnement dans notre ville ont peu de moyens et peuvent se développer autant qu'ils ne le souhaitent leur activité. Il faut donc poursuivre l'effort dans les années à venir et continuer dans le sens d'une augmentation à l'aide aux associations environnementales. Il s'agit de trouver des ressources de financement complémentaires afin de permettre à ces associations de se développer, de croître et d'agir dans notre ville avec les habitants pour améliorer leur environnement et leur cadre de vie. En tout cas, le mouvement est lancé. Il y a d'autres interventions ? Édouard ? Peut-être juste une précision, on va le dire sans opposition, mais parce que c'était une demande qui avait été faite, qui a été formulée. L'an passé, il y a une association qui s'appelle PROSE. Laurent Jamais nous avait interpellé. Le financement reprend pour PROSE. De la même manière, pour la première fois, le comité de défense du centre de santé va être financé. Pas l'impression. Non ? Je fais une erreur de lecture de tableau, j'ai sauté une ligne, ok. Et pour l'écologie et l'aide alimentaire, on a plus 14 000 et plus 10 000 euros de subventions qui vont être données. Donc voilà pour les petites précisions en plus. Merci. D'autres interventions ? Donc nous allons voter le budget primitif et ensuite nous voterons le chapitre 65 des dépenses de fonctionnement qui concerne les subventions aux associations et qui permettra aux élus concernés, membres d'associations, de se déporter, comme le prévoit la loi. Donc qui est pour approuver le budget primitif 2021. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le budget est approuvé. Et nous allons voter à présent sur le chapitre 65 des dépenses de fonctionnement, incluant les subventions aux associations. Donc, des déports, Frédéric aussi. Donc, Frédéric Gabin qui a donné le pouvoir, mais qui se déporte. Tout à fait. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Nous passons ensuite à l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques ? Venez, vous pouvez revenir. Donc, qui est pour l'approbation du rapport de la CLECT 2021 ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Approbation du règlement intérieur de la commande publique et de la nomenclature des achats. Oui, donc depuis 2014, un travail important a été mené sur la question de la commande publique dans la collectivité, d'abord avec la création d'un service des marchés publics qui n'existait pas à ce moment-là, la mise en œuvre d'un certain nombre de mises en concurrence qui n'avaient pas été menées depuis plusieurs années, y compris sur des prestations qui dépassait plusieurs millions d'euros chaque année. Nous avons renforcé encore cette année le service de la commande publique avec l'arrivée d'un nouveau juriste acheteur et répondant notamment à une recommandation de la Chambre générale des comptes, nous proposons ce soir au Conseil municipal l'approbation d'un règlement intérieur de la commande publique et en annexe d'une nomenclature des achats qui permettra de normer la préparation des dossiers de commande publique par les services de la ville. Le règlement intérieur de la commande publique est un document qui, à la fois, rappelle un cadre juridique lié au code de la commande publique, mais qui va également, qui est un document qui rappelle à la fois des éléments donc, de droit, des éléments liés au code de la commande publique, mais qui vont également permettre aux agents, par le rappel d'un certain nombre de process propres à la collectivité, de fluidifier et de sécuriser les processus d'achat public, à la fois en rappelant les différents processus propres à chaque, évidemment, à chaque seuil de commande publique. Rappeler également le rôle de chaque service, à la fois entre le service instructeur, le service technique la plupart du temps, et le service de la commande publique, et puis qui commence à lister un certain nombre de pistes pour essayer d'améliorer l'achat public de la ville sur à la fois l'intégration toujours plus forte de clauses sociales et de la manière d'intégrer un certain nombre de bagnoletés dans nos procédures de marché public, et puis également sur la question environnementale, la manière d'avoir une commande publique qui soit plus sobre sur le plan écologique. Alors ce document, de ce point de vue-là, reste, M. Vionnet l'avait dit en commission, relativement sobre, mais lié à un cadre juridique qui est encore peu ambitieux. La loi climat est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, elle sera ensuite au Sénat, et nous aurons l'occasion, puisque nous voyons ce document comme un document vivant, de traduire les ambitions nouvelles qui sont prévues dans ce texte, dans ce règlement intérieur, une fois que le cadre juridique aura évolué. En tout état de cause, aujourd'hui, nous donnons un document qui va permettre de renforcer, de sécuriser encore nos procédures, d'accompagner les agents de la ville, l'ensemble des agents, à la fois du service de la commande publique, mais aussi des services instructeurs. Et puis, nous allons répondre, encore une fois, comme nous l'avons déjà fait maintenant depuis plusieurs mois, à une recommandation de la Chambre régionale des comptes, toujours dans l'idée d'améliorer, évidemment, le pilotage budgétaire, comptable, administratif de la collectivité. Merci, Olivier. Des remarques ? Pas de remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé, je vous remercie. Convention de groupement de commandes en vue de la passation et de l'exécution d'un marché d'assistance à l'élaboration de l'évaluation climat du budget des villes et d'Est Ensemble. Anne, j'ai cru comprendre que tu intervenais. Venir après la présentation. Non, vas-y. Ah bon, ben... Je la présente. Oui, c'est une délibération qui est assez importante, assez structurante, bien qu'elle apparaisse comme une petite délibération après le vote du budget, qui est en fait une commande, enfin, qui a été initiée par Est Ensemble, qui propose une commande groupée aux 9 villes du territoire qui ont toutes accepté, quelle que soit leur coloration politique, et Est Ensemble, pour une mission pour aller vers un budget vert. Donc l'objectif... c'est de construire, d'évaluer toutes les dépenses budgétaires futures, donc pas celles de 2021, mais si possible à partir de 2022, selon un certain nombre de critères, selon un système de comptabilité qui est exposé là, en fait, qui est la méthodologie de l'Institute for Climate Economics, qui est un système qui a été expérimenté par trois métropoles, Lille, Lyon et Strasbourg, et deux villes, la ville de Paris et la ville de Lille. Ce système de comptabilité qui est proposé donc, par cet institut a été rendu public en novembre 2020. C'est pour indiquer que c'est quelque chose d'assez pionnier et que Est Ensemble et les 9 villes se situent dans une volonté pionnière de mettre en place un budget vert, un budget climat. Donc l'objectif de cette mission, dans un premier temps, c'est d'évaluer toutes les dépenses et d'évaluer leur impact climat et de les noter. Donc ce n'est pas un objectif encore de comptabilité carbone qui serait vraiment l'évaluation des émissions carbone produites par tous les investissements et toutes les dépenses, mais c'est d'indiquer si les dépenses vont dans le sens plutôt de la réduction des émissions ou plutôt dans le sens d'émissions, ce qui est nécessaire. On ne peut pas non plus... c'est normal qu'il y ait des dépenses qui aillent dans le sens d'émissions, mais dans ce cas, il faut qu'elles soient compensées par aussi la déminéralisation, les jardins, etc. Alors, c'est un défi qui me semble très intéressant, parce qu'il associe deux comptabilités. D'un côté, la comptabilité budgétaire, et donc associe l'objectif de sobriété budgétaire à la comptabilité climat, donc la contrainte écologique. Et donc ces deux contraintes, ça devient un réflexe de les associer, à la fois dans les politiques publiques, mais aussi dans l'évaluation des modes de vie. Donc à terme, l'objectif, c'est d'affiner évidemment cette comptabilité pour aller vers une évaluation des émissions par habitant du territoire, parce qu'on sait aussi qu'on est un territoire plutôt en retard en termes d'équipement public, donc avec aussi, et un territoire pauvre, donc aussi avec moins d'émissions par habitant, et donc la possibilité aussi de rattraper et de faire des investissements pour améliorer le mode de vie. Je crois que le défi à venir, c'est justement de satisfaire au mieux les besoins collectifs et individuels, d'améliorer le bien-être et les conditions de vie des habitants, de faire face à la crise sanitaire et à la crise sociale, tout en réduisant l'impact carbone de nos investissements et de nos dépenses. Et je pense que cette délibération est un premier pas pour aller vers la comptabilité carbone. C'est pourquoi, évidemment, je vous invite et nous vous invitons aussi, l'ensemble du groupe et l'ensemble des élus d'Est Ensemble, à la voter. Merci. Alors, c'est effectivement une délibération importante. Jean-Claude. Oui, tout complètement d'accord. Et je voudrais en rajouter un peu sur quelques éléments complémentaires. En effet, l'évaluation climat du budget, ou encore budget vert, est un outil qui permet d'objectiver et de comparer les actions entreprises en faveur de l'environnement. Il est clair qu'aujourd'hui, chaque collectivité s'engage peu ou prou dans des mesures écologiques. Mais quid de leur efficacité? Toutes ne se valent pas. Et comment penser l'ensemble de l'action municipale pour répondre aux défis écologiques? Dans notre programme, nous avons souhaité disposer d'une étude d'impact environnemental pour chaque projet ou chaque action municipale. Ce dispositif, dont il est question aujourd'hui, s'en rapproche fortement. Il permet aussi la comparaison entre collectivités, notamment celles d'Est Ensemble. Le budget vert établit un diagnostic détaillant la part des dépenses très favorables, favorables, neutres, défavorables ou indéfinies. Ce dernier permet, dans un second temps, d'élaborer un plan d'action concret visant à réduire les dépenses défavorables et à transformer les dépenses neutres en favorables. Il s'agit donc d'un levier pour réorienter l'action municipale en faveur de l'environnement. Le second point, c'est que donc, dans cette évaluation, dans ce budget vert, il est proposé un guide méthodologique et un accompagnement comprenant de la formation et une analyse du budget qui seront fournis à la collectivité. Et il me semble important de préciser que le budget vert s'intéresse à l'impact des dépenses publiques sur le climat, mais qui ne se limite pas à ce seul objectif, loin s'en faut. En général, il évalue 6 grands objectifs environnementaux. Atténuation des changements climatiques, adaptation aux changements climatiques, préservation et gestion des ressources en eau, économie circulaire, prévention et valorisation des déchets, lutte contre les pollutions, eau, air, sol, bruit, et préservation de la biodiversité et des espaces verts. À Est Ensemble, ces objectifs ont été adoptés avec une première expérimentation sur le budget de la Direction de l'Environnement et de l'Écologie urbaine qui a eu lieu. Ainsi, les dépenses sont évaluées au prisme de la préservation et de la gestion des ressources en eau, de la réduction des dépenses énergétiques ou du développement des énergies renouvelables, de la lutte contre la pollution de l'air, de l'eau et des sols, de l'économie circulaire, de la prévention et de la valorisation des déchets et enfin de la préservation de la biodiversité et des espaces naturels. On le voit, le budget vert est exhaustif puisqu'il prend en compte la multitude des objectifs environnementaux. Enfin, il permet de répondre aux légitimes demandes de transparence des citoyens concernant les actions en faveur de l'environnement. Merci. D'autres interventions ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Convention avec le département concernant la participation au fonctionnement des séances publiques de vaccination. Grégoire. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, c'est une délibération importante hein, dans l'accès aux soins, l'accès à la vaccination, l'accès à la prévention. On l'a dit aussi que la prévention était une priorité de la municipalité à travers des actions comme Octobre Rose, par exemple, où la ville est très mobilisée. Mais voilà, la vaccination fait partie des actions de prévention importantes. Et avec le département, donc, est mis en place, et le service communal d'hygiène et de santé est mis en place, sont mis en place des créneaux de vaccination, pardon, les lundis et les jeudis, pour permettre aux bagnoletaises et aux bagnoletais de bénéficier de vaccins gratuits. Vaccins obligatoires ou recommandés. Cela permet encore un accès facilité pour ces vaccins. Le département fournit les vaccins et le service communal d'hygiène et de santé organise la vaccination. Ce sont plus de 450 à 500 bagnoletais qui ont bénéficié de ce service l'année dernière. Donc on voit que c'est un service rendu extrêmement important. Et voilà, donc c'est une délibération qui s'inscrit encore dans la volonté d'avoir un accès aux soins facilité pour les bagnoletaises et les bagnoletais. Merci Grégoire. Des remarques, des questions ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante : octroi d'une subvention exceptionnelle à l'association pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et villes françaises, AJPF. Daouda. Oui. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, les problèmes de catastrophe causés à Beyrouth, au Liban, par les explosions du 4 août 2020 a causé beaucoup de problèmes, beaucoup de misère à cette population. Et la ville de Bagnolet entretient depuis des décennies un jumelage avec la ville de Chatila, qui est située, qui est un camp de réfugiés situé à Beyrouth. Donc, avec l'association AJPF qui gère plusieurs collectivités, des dizaines de collectivités françaises qui sont en coopération internationale avec les pays de la Palestine, avec les villes de la Palestine, les collectivités de la Palestine, donc, que, et beaucoup de ces collectivités se trouvent au Liban. Donc, c'est la raison pour laquelle on vote cette subvention de 1 500 euros pour aider vraiment le Liban, pour leur témoigner notre solidarité, parce que le Liban aussi, il faut souligner, c'est le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. Donc ça aussi, ce n'est pas une exception, parce que Bagnolet est une ville solidaire et nous avons l'habitude, parce qu'on se souvient qu'en novembre 2017, la situation au Haïti, où il y a eu une catastrophe aussi provoquée par l'ouragan Matthew, nous avons voté des subventions pour aider Haïti. Je vous remercie. Merci Daouda. D'autres remarques ? Pas de remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé.